vous êtes à CIFU. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On goûtera de la malbouffe malsaine de façon malaisante dans une grosse pointe tendresse et Tania nous divertira et divaguera de façon divertissante dans Tania is gonna entertain ya. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 18 février 2016, 68 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Oui, sur notre chanson thème de Valesse Pariétaire remaniée par les résidus plasmiques. C'est comme ça qu'on commence aujourd'hui. Comment ça va, Tania? Hey, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, oui. De bonne heure aujourd'hui. Ça reste froid. Beaucoup apprécié, ouais. Malgré le fait que j'ai déneigé ma voiture de façon vraiment stupide ce matin, je dois l'avouer. Ça ne tentait pas vraiment de sortir, de me geler un petit peu puis de prendre le balai à neige. Donc évidemment, j'ai fait aller mes wipers, ça a super bien été. Mais là, pour déneiger les fenêtres arrière, j'ai comme descendu les fenêtres, mais il faisait tellement froid qu'il ne relevait pas. Ouais. Donc, t'as réussi à aller... Oui, j'ai réussi, tant bien que mal, en frappant dans mes fenêtres, mais... ouais, c'est... Malaise. Ouais, bon. Très, très grand malaise, parce qu'honnêtement, j'étais comme... OK, mais je les ai beaucoup trop ouvertes pour pouvoir les laisser ouvertes toute la journée. Ouais. Que là, j'étais là, il faut que je les lève. Il faut que je réussisse à les lever. Tes parents n'ont pas de garage chauffant. Mais non, malheureusement. Ouais. Mais j'ai quand même réussi, alors j'étais très fière de moi. Félicitations. Je remercie... d'exister, le gars qui ramasse les canettes à cette heure-ci du matin, il est courageux. Ah ouais? Sur le campus, il y a un gars qui ramasse des canettes dans les poubelles. Là. Oui, oui, oui. C'est un courageux. Est-ce que t'as senti aussi l'odeur en arrivant ici monsieur, ce matin? Monsieur, non, mais... Non, non, non, pas du monsieur. Pavillon. Du pavillon. Non? C'est, ouais, c'est déplaisant dans les narines. Ouais, lendemain de mercredi soir. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la ça. Chasse a bougé hier, d'après ouais. moi. T'es allé à UQTR spectacle hier? Non! Non, non malheureusement, j'ai pas eu le temps... j'avais beaucoup trop de choses à faire. Mauvaise donc, amie. Je sais, je suis désolée, je me suis excusée 1000 fois auprès de mes amis d'avoir manqué leur numéro, mais je doute même pas que c'était super. Oui, ils n'ont pas gagné, mais quand même. Non, malheureusement, je ne sais pas qui a gagné. Est-ce que tu sais qui a gagné? Oui. Ah, c'est oui? les Christelle Pousse, je pense. OK. Christelle Pousse, Gabriel Ajuga et la troupe Eclipse. Crème, j'ai retenu ça pas pire. Hein? Daniel quand même, Ajuga, hein? Oui, Christelle Pousse, t'as bien raison. Première place, Eclipse en deuxième, Daniel Ajuga en troisième place. OK. Je vais le voir passer ça sur Facebook. Donc. Oui, félicitations, UQTR en spectacle qui était hier au Cégep de Trois-Rivières. Aujourd'hui, nous, à l'émission, en direct du studio 1 de 1 de C'est fou. 1 de 1, oui. On a à 8h30 notre chronique traditionnelle du jeudi, une grosse pointe en dresse. Avec de la malbouffe qu'on a acheté dans le commerce, mm-hmm. On a quelque chose à se goûter. En plus, on va faire des nouvelles de fast-food autour de ça. On adore toujours. À 9h, on va faire du sexe, ça ne devrait pas là aussi. Mm-hmm. On va commencer, je crois, parce que tu as insisté aujourd'hui. Oui, j'ai insisté. En fait, j'ai reçu la demande de commencer l'émission avec ça. Pour que quelqu'un t'écoute spécifiquement, j'imagine. Oui, exactement. Puis aussi parce que, ben, c'est, comme tu le dis, ça fait quelques fois que je refuse de le faire en partant dans l'émission. Donc, je me suis dit, ce matin. Attends, t'as pas fini l'histoire. Ça fait 2 fois cette semaine que tu refuses de la faire en début d'émission et que oui. tu me laisses faire une chronique et à la fin, on n'a jamais le temps de se rendre jusqu'à toi parce qu'on a je juste sais. 2 heures et beaucoup trop mais de temps. Mais tu vois à quel point je suis généreuse. De ta personne et de ton temps. De ma personne et de mon temps. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir, finalement. C'est une qualité. C'est ça. Et voilà, c'est t'sais, ça. Il y a des bons points à chaque chose négative. Négative? En quoi est-ce que c'est négatif? Ah, oh, je perds ma chronique. Ouais, bon, c'est d'accord. Bien, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Franchement. Donc, commençons avec ta chronique dans quelques instants. Mais avant ça, oui. on écoute Adore, une pièce de Savages. C'est bien calme, ça débute très bien l'émission. Vous êtes à l'Assemblage Reiki jusqu'à 9h30. Uh-huh. Au 89 FM. C'est fou. If only I didn't want the world La formation Savages et la pièce Adore à Assemblage Requis. Parlant d'une sauvage qu'on adore, voici hey! Tania is gonna entertain ya. C'est facile quand même. Très facile. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Elle a pris un selfie en même temps que... Non, je regardais quelque chose, je prenais pas de... C'était pas un Snapchat, c'était pas un Duckface? Non. OK. Si tu le dis, je te fais confiance. J'espère. Qui suis-je pour juger des photos que tu prends? Ouais, c'est ça. C'est ça. S'il vous plaît. Donc, Tania, is gonna Tania, je t'écoute. Oui, bien, hier, je vous avais dit que j'allais parler de bilinguisme, mais comme j'ai pas eu le temps de parler de bilinguisme hier, je le fais ce matin! Yeah! En fait, je vais vous parler un petit peu d'un article que j'ai découvert sur Internet, un site quand même assez reconnu parce que toi, tu connaissais bien. Tu m'as dit que c'est un site qui est quand même une très bonne source du côté technologique et scientifique. C'est wired.com. Mm-hmm. Évidemment, c'est un site anglophone, mais après avoir lu plusieurs fois l'article, je me suis dit, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Parce qu'il y a combien de gens qui parlent deux langues aujourd'hui en 2016? Il y en a vraiment beaucoup. Mm-hmm. Mais lorsqu'on parle deux langues, est-ce que toi, ça t'arrive parfois de ne pas être capable de dire un mot, soit en français? On dirait que tu as comme oublié la connotation française. T'es bloqué d'un côté ou de l'autre, oui. Exactement. Mais dans l'article, ça décrit en fait pourquoi est-ce que le bilinguisme change l'architecture de notre cerveau. Wow. Et j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que je parle beaucoup anglais, je parle beaucoup français aussi. Et lorsque je suis revenue de Montréal, j'ai eu beaucoup de difficultés à me réadapter à simplement des mots français, ouais, parce que je parlais beaucoup moins anglais ici à Trois-Rivières qu'à Montréal. Donc, quand est venu le temps de faire ça, je me suis moi-même posé des questions. Moses, es-tu rendu comme nunuche? J'ai-tu comme oublié tout ce que j'ai appris pendant mon primaire, mon secondaire? Est-ce que comme mon cerveau a oublié de comment parler français? Est-ce que ça s'oublie, ces choses-là? Uh-huh. Donc, en lisant cet article-là, je suis arrivée à quelques questions et je vais pour vous ce matin démystifier quelques choses au c'est pluriel. C'est wonderful. C'est-tu pas de merveilleux, tout ça? Merci de traduire. Ça fait plaisir. En fait, il faut savoir déjà en partant que l'article a été écrit par Lizzie Wade. C'est pas le premier article qu'elle écrit sur ce site-là. Mais aussi, il y a Judith Kroll qui est citée dans l'article et qui elle-même est une psychologue qui étudie le bilinguisme et ses connaissances cognitives. Déjà en partant, je me demandais... qu'est-ce que des connaissances cognitives et qu'est-ce que des conséquences cognitives surtout? Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous et c'est tout simple. En fait, les conséquences cognitives, c'est ce qui permet la connaissance et l'acquisition des connaissances. Donc, d'en avoir des conséquences, c'est vraiment quelque chose qui va venir à la contrainte de tout ça, finalement. Donc, nos connaissances vont comme en prendre un coup. Si on suit comme il faut. Donc, c'est ce qu'elle étudie. Elle étudie vraiment le bilinguisme, que ce soit français, anglais ou que ce soit d'autres langues avec l'anglais. Évidemment, elle surtout est... espagnol, j'imagine, aux États-Unis. Bien, c'est ça. L'article est basé sur quelqu'un qui parle anglais-espagnol. Mais si on prend ici au Québec, il n'y a aucun problème. Ça se transfère vraiment facilement aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé, dans le début de l'article, c'est qu'elle nous donne une mise en situation de quand elle est revenue d'étudier à Mexico City. Elle est revenue en Pennsylvanie et là, elle parlait avec son père et elle n'était plus capable de dire « machine à laver ». Ben voyons, non? Elle ne se souvenait plus qu'est-ce qu'était une machine à laver et pourtant, elle avait passé simplement 5 mois à Mexico. Et quand elle est revenue chez elle, elle était comme pas capable de dire « tu sais là, la chose dans laquelle on lave notre linge ». Ah, hey, ça, j'ai tellement fait ce genre d'erreur-là souvent. Tu sais, les machines pour qui jouent des disques, là, c'est ça. De vinyle, de tourne-disque. Un des fois, ça m'arrive, ouais. Donc là, elle était là, elle a dit à son père, « Ouais, est-ce que je peux utiliser la lavadora? » Son père, il était comme, « La quoi? » Elle était comme, « tu sais là, la... » Pour laver le... Elle est comme pas capable de dire. Puis j'ai trouvé ça très drôle parce que ça m'arrive vraiment souvent. Ah ouais. Puis il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent des téléséries en anglais, des films en anglais. Moi, la plupart du temps, j'ai écouté mes films en anglais parce que c'est original, les jokes sont meilleurs aussi. Ben oui. Donc de ce côté-là, des fois, on oublie la définition francophone et on fait juste comme « OK, mais là, attends, j'ai-tu l'air d'une innocente? » Moi, là, présentement, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne sait plus ce qu'elle a appris? Donc, c'est ce que je trouvais bon, c'est la mise en situation dans le début de l'article. Même à Trois-Rivières, je trouve ça... Tu sais, j'entends souvent la phrase que les gens à Trois-Rivières, il y a 2% de gens qui parlent en anglais. D'après moi, ça, c'était des années... D'après moi, ça a changé pas mal. Ouais, je pense qu'il faudrait vraiment refaire le comptage, mais c'est sûr que si on prend Trois-Rivières en exemple avec une ville comme Montréal, la proportion de gens qui parlent anglais est beaucoup plus moindre ici que là-bas. Par contre, tu sais, t'iras pas au restaurant ici, t'auras pas la chance d'aller au restaurant et te commander en anglais. Non. Pendant que ta serveuse va comprendre en entièreté ce que tu dis. Tu vas à Montréal, tu dis au bar, aujourd'hui j'ai goût de commander ce que je veux en anglais. Ben la fille va te répondre en anglais bien souvent. Tu sais, c'est très rare que tu vas te faire répondre à Montréal « Excuse, réponds-moi pas en anglais. » Tandis qu'ici, ça va arriver, malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat qu'on discutera pas souvent. L'adaptation, c'est ça. C'est ça, ouais. L'adaptation, ouais. Exactement. Donc, il faut savoir que Judith Kroll, c'est la psychologue qui étudie les connaissances et les conséquences cognitives par rapport au bilinguisme à Pennsylvanie, l'université de la Pennsylvanie. Donc, lorsqu'on parle deux langues, on pense qu'elles vont converger, se compléter. On pense que dans notre cerveau, en fait, ce qui arrive, c'est qu'une langue va être perpendiculaire à l'autre langue et que les deux vont vraiment aller juste se complémentariser. Oui, se compléter et converger ensemble, mais souvent... Ce qui va arriver, c'est qu'elles vont se faire compétition. OK. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité cérébrale de parler une autre langue que celle maternelle, exemple, c'est très, très demandant au cerveau. Et contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, c'est pas deux langues qui s'en vont dans la même lignée, mais c'est vraiment comment est-ce que je pourrais décrire ça? Ben, vous savez tous qu'on a deux hémisphères. Ouais. C'est pas une langue va prendre un côté d'hémisphère puis l'autre langue va prendre l'autre côté. En fait, elles sont vraiment à la même place au même moment et c'est notre cerveau qui va faire toute l'activité de choisir quelle langue on va utiliser. Un peu comme un rail de chemin de fer. Un peu comme une rail de chemin de fer. Puis, en fait, ce que ça donne, c'est que les gens vont penser que lorsqu'on parle anglais ou lorsqu'on parle français, on ne peut pas nécessairement utiliser des mots qui vont être de l'autre langue. Parce qu'en temps normal, les gens vont penser que ce n'est pas le même côté du cerveau qui calcule les choses. Par contre, c'est contrôlé vraiment par la même partie du cerveau. Donc, les langues sont comme mélangées dans notre cerveau. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Okay. Donc, de ce côté-là, les langues vont prendre les mêmes vaisseaux pour chaque côté. Ça ne sera pas... Ça sera pas nous qui aurons le contrôle, c'est vraiment le cerveau qui va y avoir le contrôle. Donc, mettons, dans un ce serait comme un rail, c'est comme à moitié aussi fort quand tu parles, quand t'es d'un côté d'une langue, parce que vu que c'est dans la même place, il faut que les deux, dans le tuyau, passent en même temps dans c'est ta ça. Tête. Là, est-ce que ça devient aussi fort? Est-ce que c'est moins fort parce que t'as plus de langue dans ton cerveau? Quand tu as plus qu'une chose en même temps, tu c'est la fais ça. Moins bien. Ouais. Est-ce que c'est ça? Bien, en fait, il faut savoir que même après des années et des années de pratique de bilinguisme, le cerveau va encore forcer de la même façon. Okay. Donc, le cerveau, en fait, ce qui arrive, c'est que lorsque on... Même présentement, notre cerveau force à penser à tout ce qu'on a déjà appris. Mmh. Si on parle une deuxième langue, si on apprend surtout dans les débuts qu'on apprend une nouvelle langue, le cerveau va encore plus forcer parce qu'il y a de nouvelles connaissances qu'il doit acquérir dans la même partie du cerveau que ça fait des années qu'on connaît. Mmh. Donc, de ce côté-là, c'est un peu comme n'importe quel apprentissage. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Par contre, le cerveau décide de la langue parlée, mais il fait exactement le même travail dans les deux cas, comme je le disais. Est-ce que ça veut dire qu'on le fait moins bien? Ça aussi, c'est un gros débat. Il y a plusieurs études qui ont été faites dans des écoles primaires, exemple, parce qu'on dit, si tu apprends à ton enfant plus jeune à parler deux langues, ça va être plus facile pour lui. Par contre, est-ce qu'il perd des connaissances? À certains points, si c'est mal fait, si c'est mal appris, oui. OK. Par contre, ces connaissances-là peuvent toujours se réapprendre parce que c'est comme exercer son cerveau, en fait. C'est vraiment comme aller au gym pour le cerveau. Il faut savoir que le problème, c'est que dans les premières années de la langue maternelle, il y a certains mots de vocabulaire qui vont devenir plus difficiles à retenir. Donc, lorsqu'on apprend, même quand on est jeune, lorsqu'on apprend le français, il y a beaucoup de choses qu'on ne retient pas nécessairement automatiquement. Exemple, moi, avec les poumons, reins, foie. J'ai de misère à mettre en anglais et mettre en français d'un bord et de l'autre. Exemple. Ouais. De ce côté-là, c'est plus facile parce qu'on connaît déjà la langue. Du côté de la deuxième langue, ce qui arrive, c'est que notre cerveau a déjà beaucoup, beaucoup de connaissances de notre langue maternelle. Et là, on en implique une autre dans une nouvelle structure avec de nouveaux mots et souvent de nouvelles définition. Mm-hmm. Ce qui arrive, ça ne veut pas nécessairement dire que lorsque vous parlez anglais, vous allez complètement oublier votre français. Non, c'est simplement que votre cerveau va vraiment se forcer à acquérir le plus de connaissances possible du côté de la deuxième langue que vous apprenez que celle que vous savez depuis déjà vraiment très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des constructions de phrases très, très françaises pour parler en anglais. C'est pas bon, puis qui va utiliser des expressions en anglais calquées en français, traduites littéralement, puis c'est pas bon non plus, tu sais. Non, c'est difficile c'est pour certaines personnes. En fait, on se pose la question, est-ce qu'on devrait toujours, dans ce cas-là, forcer son cerveau, même surtout après des années, pour choisir les mots de la même langue? Exemple, lorsqu'on parle français, parfois, ça va nous échapper qu'on va avoir un mot en anglais dedans, parce qu'automatiquement, on connaît la connotation, on connaît la définition, et ça va arriver beaucoup plus souvent lorsqu'on parle avec quelqu'un qui, lui ou elle aussi, parle les deux langues. Ouais. Est-ce que de ce côté-là, c'est problématique de faire ça? Est-ce que ça ne donne pas juste l'idée qu'on va oublier de plus en plus le mot français? Non. De ce côté-là, les études ont démontré que non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut se forcer, même après des années et des années, à le faire. C'est simplement que c'est un problème courant pour quelqu'un qui est bilingue de devoir jongler avec les deux langues. Parce qu'évidemment, le cerveau s'est exercé à connaître deux langues, à utiliser deux langues en même temps. Mmh. les gens qui sont bilingues, bien souvent, vont pouvoir parler en français, mais penser en anglais. Ouais. Ou vice-versa, un des deux. Vont écouter quelque chose en anglais et automatiquement, ils vont le penser en français. Ils vont pas juste l'assimiler en anglais. C'est ça. Ouais. Il y aura pas... c'est sûr, c'est après des années et des années de pratique pour les deux langues. Mais de ce côté-là, c'est un problème que chaque personne bilingue connaît et... Non, tu peux pas. Oui, tu peux si tu le veux. Tu peux forcer ton cerveau à utiliser simplement une langue. Par contre, t'es bilingue, t'as les deux connaissances. Si tu parles avec quelqu'un qui, elle aussi, a les deux connaissances, il y a de fortes chances que les deux vous vous rendrez même pas compte que vous êtes en train d'avoir une discussion ouais. avec deux langues en même temps. Ce que j'aime, c'est ceux qui font la morale aux autres, comme quoi qu'ils devraient pas écrire de statut Facebook en anglais, mais qu'après, c'est dit, c'est vraiment de la bullshit quand tu fais ça. Oui. Tu sais, tu viens d'utiliser un mot en anglais, mais t'as pas le droit, t'es sur Facebook. Moi, j'ai ça, les gens qui font la morale, tu sais. Mm-hmm. Hein? Mais ouais, c'est ça. Mais de ce côté-là, c'est. Tu sais, aussi, si on y va du côté des médias sociaux, ça dépend du nombre d'amis que tu as qui parlent français versus le nombre d'amis qui parlent anglais. C'est pas parce que tu fais des statuts en anglais que soudainement la langue va se perdre, là. Non, il faut savoir. Moi, j'ai. Il y a une chose qu'un de mes professeurs m'avait dit au primaire, c'est. Tu peux apprendre le nombre de langues que tu veux en autant que tu reconnaisses toujours ta langue maternelle comme ta langue la plus forte. Ben oui. Si tu te souviens toujours d'où tu viens et tu sais que cette langue-là va toujours. Être à toi, tu vas toujours revenir à cette langue-là. Il faut que tu la connaisses autant que tu vas connaître les autres. Ouais. Sinon, tu n'auras pas nécessairement le même contrôle sur les autres langues que tu vas apprendre de toute façon. Fait. Et il faut que tu te fasses comprendre par les gens qui parlent d'autres langues si tu tiens ces gens qui parlent d'autres langues-là. Mm-hmm. Si tu parles juste en français sur Facebook, les gens vont dire « Peux-tu me traduire ça en anglais tout le temps? » C'est ça. Ouais. En effet. Et... Il faut savoir aussi que, par contre, durant les années où on apprend vraiment une nouvelle langue, là, on est dans les débuts d'un nouvel apprentissage de langue, il est important de forcer son cerveau à utiliser simplement les mots de la langue qu'on veut utiliser. Ouais. Donc, exemple, on apprend l'anglais. Il est important de se dire, OK, si je parle en anglais, je ne vais pas aller glisser des mots français là-dedans. C'est de l'immersion. Oui, c'est ça. C'est de l'immersion. Puis, il faut savoir aussi que c'est comme de l'entraînement pour le cerveau, comme je le disais tout à l'heure. Ça va endurcir votre cerveau à réaliser que lorsqu'il parle anglais, il ne peut pas utiliser des mots français. C'est comme dire que le cerveau, c'est une autre personne. Ouais. À l'intérieur de vous. C'est qu'en fait, c'est lui qui va vraiment décider tout ce qui va se passer du côté langage. Et c'est comme ça que vous allez réaliser, en fait, que vous êtes bilingue. C'est que vous allez, à un certain point, après quelques années, soit arrêter d'utiliser des mots des deux langues ou soit complètement jongler entre lorsque vous parlez avec quelqu'un qui est aussi bilingue. Mais tu sais, même quelqu'un qui est vraiment comme en anglais depuis des décennies, mettons mm-hmm. Céline Dion. Là. Oui. Je l'ai vu en entrevue utiliser des mots en français, mais même pas avec un accent en anglais. Tu sais, même pas genre comme les Américains vont dire « raison d'être ». Ouais. Parce que c'est comme « raison d'être », mais eux autres, ils l'utilisent en anglais. Elle va juste utiliser les mots en français dans des entrevues. C'est vrai. Comme, OK, personne dans ton public en ce moment comprend ce que ça veut dire. Mm-hmm. Force-toi un peu, tu sais. Ben, c'est ça. C'est un talent, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. C'est qu'il faut comprendre que les connaissances des deux langues, c'est comme régulariser le cerveau. Le cerveau, ça va y prendre du temps d'assimilation aussi. Il faut laisser le temps au cerveau d'acquérir toute la matière qu'on lui donne. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas si vous êtes du genre à oublier certains mots lorsque vous parlez anglais ou français. C'est normal. Pour l'autre langue. C'est normal. Si vous n'avez pas un cerveau... comment est-ce qu'on disait ça? Vous n'avez pas deux cerveaux monolingues. Mm-hmm. Vous avez un cerveau bilingue. Ils se partagent le travail sur deux langues. C'est pas deux hémisphères monolingues qui utilisent simplement une langue de chaque bord. Mm-hmm. C'est vraiment un cerveau bilingue qui se compétitionne à savoir quelle langue va être la plus forte en sortant de votre bouche. Ceux qui parlent 6-7 langues, là, t'imagines comment ils brassent là-dedans. Ouais, honnêtement, les admire. C'est ça, c'est qu'on les admire, mais il y en a qui sont vraiment jaloux de ça. Il y en a qui, moi, je pense que ceux qui veulent protéger à outrance la langue française, il y en a qui sont jaloux là-dedans. Ben, je pense qu'en fait, que peu importe les connaissances que tu vas avoir, peu importe comment tu vas renforcer ton cerveau, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, avoir la connaissance et l'intelligence de quelqu'un qui étudie en médecine. Le cerveau de ces personnes-là doivent avoir une activité cérébrale assez incroyable, merci. Tu sais, là, tu te dis, ah, ton cerveau est tellement plus intelligent que le mien. C'est sûr que peu importe de quelle capacité on parle, je pense qu'il va y avoir un côté de jalousie pour n'importe qui. J'avoue, il y en a qui c'est pire que d'autres. Il y en a qui c'est pire que d'autres. Oui, il y en a pour qui c'est pas vraiment important, que ce soit la connaissance ou peu importe. Et tu l'as pas essayé, l'école non plus, de la vie. Non, j'ai pas essayé, médecine. C'est vrai. Je suis pas certaine, j'ai pas les notes pour... bon, c'est ça. Faut que tu te concentres, Tania. J'ai préféré le sport aux connaissances. C'est vraiment ça qui est arrivé. Ouais. Mais bon, comme je le disais, il faut pas toujours se forcer à y aller pour simplement une langue, parce que laisser votre cerveau y aller comme il se doit après quelques années. Là, je vous dis pas si demain matin vous apprenez l'anglais. Je suis correct si tu parles les deux langues en même temps. C'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Mais au début de votre apprentissage, forcez-vous à parler la langue que vous devez parler au tout début. Exemple, vous êtes dans votre cours d'anglais. C'est rare les professeurs qui vont dire « Ouais, ouais, ouais, c'est beau parler français dans mon cours d'anglais. » C'est très, très rare parce qu'ils doivent le savoir, en fait, que lorsque vous apprenez une nouvelle langue, si tu parles deux langues, ça va te mêler au grand complet. Ouais. Ton cerveau acquérira pas la connaissance d'une seule langue. Il va vraiment jongler avec les deux. Puis là, vous allez être mêlés, en fait, pour le restant de vos jours si vous faites ça. Donc, allez-y vraiment. Forcez-vous du moment que vous apprenez une nouvelle langue. Mais après quelques années d'acquérir, si vous avez voyagé ou peu importe, vous allez voir, ça va venir tout seul. C'est qu'en fait, c'est que c'est votre cerveau qui choisit. Absolument. Ah, l'immersion, c'est une bonne chose, hein, pour vrai. Oui, vraiment. Et apprendre l'anglais, là. C'est cool parce que ça t'ouvre un tout autre monde de divertissement. Oui, de divertissement et de culture aussi. Ça dépend où tu vas aller pour l'apprendre, cette langue-là. Ouais. Moi, je connais des gens qui sont très, très impliqués du côté d'AFS, l'organisation AFS, qui sont en fait des échanges étudiants de niveau secondaire 4 et secondaire 5. Et de ce côté-là, c'est vraiment merveilleux aussi parce que non seulement tu te dis « je veux aller apprendre le français », mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas atterrir ici au Québec. Ça se peut que tu atterrisses à Paris ou quoi que ce soit. Donc, le côté culturel de la chose aussi est vraiment à développer, puis je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. Puis assumez-vous aussi là-dedans, quand vous apprenez l'anglais, sentez-vous pas mal. Sentez-vous pas mal. Bref, c'est tout, Tania? Oui, c'est tout. Good! Beau travail, comme toujours. Merci beaucoup. Ouais. On prend une pause au retour. On va faire un petit peu de gadget dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a encore une fois, on continue le spécial d'hier sur la cuisine. Ça va être pas mal intéressant, je pense. Restez là. Oui. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce jeudi 18 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, la chronique de gadgets inutiles, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Avant ça... écoute, là, une pièce qui s'appelle 5 heures, c'est un grand succès en ce moment. Oui. Qu'est-ce que dirait un enfant fier de lui-même le soir? Non, le matin. Le matin, tout le matin. Qu'est-ce que dirait l'enfant? Il est fier de lui-même. Il est fier de lui-même. Un bambin. Eh, hey, mon Dieu, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Hourra? Non, je non. sais pas. J'ai fait popo hier, pas Pierre. J'ai fait popo hier. Oh mon Dieu! J'aurais dû savoir si c'était un jeu de mots. Ben oui! Poche! Voici Popière avec 5 heures à Assemblage Reiki. Popoche, qu'on dit. Popoche! Un jeu de mots de caca. C'était Paupières avec la pièce 5 heures à Assemblage Rookie. Hey, je suis allé mettre du Desdorisa dans le lourd bureau, parce que j'ai oublié ce matin, tu sais, je n'ai un dans mon bureau. Puis, Krim, ça dit que ça n'a pas d'odeur, mais ça sent le gars. J'aime pas ça quand ça sent le gars. C'est correct, ça. C'est correct. Pas bien grave. Moi, je sens rien, honnêtement. Si tu me dis, je sens rien. Mais les gars, t'aimes ça quand ça sent, là? J'aime ça quand il y a un homme sans l'homme, là. Tu sais, un gars viril, là, tu sais. Qui se gratte, là. C'est pas ça que j'ai dit, quand même. Non? Non. OK. Si tu peux acheter un homme comme ça, combien paierais-tu? Ça dépend de ses connaissances et de ses habiletés. Et de ses atouts. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. T'as-tu dit ses habiletés? C'est bien ce que j'ai dit. Ça dépend s'il est manuel, s'il est bon avec ses mains. Ça dépend bien des affaires, en fait. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique à des gadgets qu'on achète sur Internet. Et c'est un spécial cuisine cette semaine. Oui. Donc, on commence avec le Punch Cocktail Key. Chaque bon cocktail, c'est un équilibre de saveurs. Il faut du sucré, surette. Ouais. Il faut mélanger ça ensemble. Et le Punch Cocktail Key fait que c'est facile de copier des classiques recettes et encore d'en créer de nouvelles. C'est basé sur le Classic Punch Cocktail, qui est un ratio vraiment exact de sucré, de surette, de fort et de faible, et des fois de saveur épicée. Donc c'est comme ça qu'on construit les drinks, la mixologie, vous connaissez le terme, c'est bien à la mode en ce moment. Donc c'est un outil pour vous qui voulez mélanger votre alcool avec, en fond c'est un verre avec des lignes et des couleurs différentes sur le verre, et comme ça tu peux savoir exactement jusqu'où mettre certaines doses d'alcool. Oui. Tu comprends donc les ingrédients que tu as ajoutés. Et il y a une base détachable qui sert de guide pour les jus, donc faibles et forts. Les sodas, par exemple, du club soda et des ingrédients comme ça. Donc la mixologie est maintenant plus simple en remplissant le verre jusqu'à la bonne ligne pour aider même les novices à créer des drinks. Pour 25$ chez Kickstarter en ce moment, c'est le Punch Cocktail Key, P-A-N-C-H. C'est bon en plus des verres avec des couleurs un peu, je dirais... Pastel. C'est pastel, mais un peu genre pastel année 2010 plus. Là. Ouais. Un genre de vert que tu sais pas trop, un genre de gris et un genre de saumon rouge-rose. Dirait que c'est mort en fait. C'est très beau, j'aime ces couleurs-là, moi. Ouais. Ensuite, on reste dans l'alcool, tiens, avec les Smash Props Breakaway Bottles. Peut-être que tu veux te faire une web télé dramatique. Ah oui, j'y ai passé plusieurs fois. Ouais, peut-être que tu veux partir sur YouTube un truc de cascade, je sais pas trop quoi. Donc achète-toi ces verres-là, c'est un ensemble de bouteilles de bière, en tout cas qui ressemble à des bouteilles de bière. C'est fait pour avoir l'air de marques populaires, comme Budweiser devient Beerweiser. Ok, oui. Des trucs comme ça. Vodka, vin, champagne, scotch, tout ça fait de matériaux propriétaires. Qui va donner l'impression vraiment d'une vraie bouteille, mais qui va casser beaucoup moins douloureusement sur votre crâne. Je sais pas si c'est fait en quoi, mais on dirait du sucre ou... C'est vrai, hein? Ça doit être du sucre, en fait. Ça a l'air bon. Je sais pas si ça se lèche. Sûrement. Sûrement pas l'hiver. Sûrement pas. Ensuite, pour mettre cet alcool, c'est des coolers en cuir. C'est beau, ça. De Coleman, donc les Leather Coleman Coolers avec l'été qui approche. Peut-être que vous aurez besoin... Je connais beaucoup de gars de course qui aimeraient ça avoir ça dans leur pick-up. Oui, des gars virils qui se grattent la poche. Hein? Maintenant, on va se gratter. Je n'avais aucunement mentionné le grattage de poche. Non, mais c'est clair quand même. C'est des sports. ils vont pouvoir se gratter le couleur de cuir à la place. Hein? Oui. Oui, sur les sous-vêtements de cuir, les sportifs? Je sais pas. Ça sue trop, hein? Je sais pas pourquoi je dis ces commentaires-là. Donc, les leather coolers... Je sais pas non plus, mais j'ai l'air d'une fille qui connaît les sous-vêtements des gars avec qui que je côtoie durant l'été, tu sais, comme... Don't you? Non. Donc, couleur, c'est fait à la main. Oui! Je sais pas comment appeler ça, du cuir, c'est stitché à la main, je sais pas c'est quoi le terme pour stitché en français. Bref. Cousu? Je pense que ça a du sens, oui, cousu. Pour garder vos boissons bien au froid, des coolers de cuir, $385 chez Jason Holm. C'est vraiment très beau. Super beau et super cher. Est-ce que c'est l'ensemble ou c'est vraiment de chaque? Parce que sur la photo, il y en a trois de différentes grosseurs. Tout à fait. Donc, à partir de $385, j'imagine pour le plus petit, ça va de 12,5 par 30 par 11 pouces. Jusqu'à plus que ça, mais j'imagine le plus petit est 385. Ah, d'accord. Ouais, exact, le petit est à 385, le moyen à, 995$. Oui, quand même. Et le plus gros est à 1495. Wow! Mais t'imagines, tu dois pouvoir amener ça à la pêche ou à la chasse puis pouvoir mettre ça dans ton pick-up. Ouais. Puis si jamais t'as de gros poissons, j'imagine que ça rentre. Le gros a l'air vraiment très gros. Énorme. Et ça crée en plus, vu que c'est du cuir, du patinant, là, tu sais, comme un portefeuille, quand tu l'achètes neuf, il est d'une certaine couleur, et puis ça prend de large et ça vieillit bien du cuir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Très beau. Love leather. Ensuite, on revient à l'alcool. Bon, en fait, on reste dans l'alcool, le couleur. Toi, pendant que je suis en 28 jours, tu fais que des chroniques d'alcool. Hein? En fait, c'est drôle parce que je tombe. Tu sais, quand je fais la chronique de gadgets, j'ai pour vrai des dizaines et des dizaines de sites et je filtre ça comme un professionnel de la mixologie des. Mais tu t'es dit, on est en fin de mois, je vais faire souffrir Tania. On dirait, mais c'est que j'ai tendance à les mettre ensemble. Je sais pas pourquoi. Je suis un petit peu obsessionnel compulsif. Correct. Et je faisais la même chose avec Stéphanie quand t'étais enceinte. J'avais aussi des liens d'alcool. T'sais. Oui! Bref, c'est une flasque, mais en bracelet. Tu pourrais utiliser ça pour d'autres choses que de l'alcool. Tu pourrais mettre du club soda si tu veux avoir juste de l'eau Perrier, n'importe quoi. Ah, de l'eau Perrier au citron. Ben, c'est... Ah, au pamplemousse rose. As-tu goûté à ça? C'est excellent. C'est excellent. Alors, bref, transportez vos spiritueux avec vous, avec ce bracelet flasque. C'est donc une anneau de porcelaine en forme donc de bracelet, hein, qui vous permet d'accessoriser votre ensemble à votre bijou. Tout en mettant de l'alcool avec 1,5 once de capacité, avec un beau petit bouchon en liège. C'est tellement cute du liège en plus, pour vrai. Ouais, c'est pas vrai, mais selon la photo, est-ce que tu dois avoir le poignet vraiment petit? Ça ressemble à ça parce que j'avoue que c'est pas ajustable. Non, hein? Et je me demande si ça se... Si ton bracelet est pas exactement de la bonne grandeur, soit tu le perds ou soit ça rentre pas. C'est ça. T'es un petit peu mal pris, je trouve. Mais bon. Finalement, traîne-le dans ton sac à dos. Ben, en fait, tu peux faire ça, oui. Ou donner ça comme hochet à ton enfant. Oui. Hey, on reste dans l'alcool. OK. Pour vrai, je n'ai pas remarqué le fait que j'avais tout assemblé les liens d'alcool ensemble. C'est correct. Bref, je savais que j'avais fait une chronique culinaire, mais bon. Bref, le Boozy, c'est un hoodie. En fait, on en a parlé hier, celle-là. Je m'excuse, on en a parlé hier. Ouais, c'est pas grave. Bref, tu peux le rappeler? Oui, c'est un hoodie avec un contenant pour mettre l'alcool dans le capuchon. Mm-hmm. Et les cordons à l'avant pour attacher servent aussi de paille. 95$ pour votre propre Boozy. Ça vient en 4 couleurs et plusieurs grandeurs, ce que j'avais pas dit comme détail hier. Donc au moins, on a ajouté de l'information. deux vessies pour l'alcool, c'est en plastique libre de tout BPA. Voilà. Ensuite, c'est quand même cool, quand même. Ça, je trouve, tu sais, quand tu bois une bière, mettons, tu la finis pas. Ouais. Du vin, c'est facile, tu vas remettre le bouchon de liège et tu vas visser le facile, bouchon. Facile, c'est encore drôle, là, parce que rentrer un bouchon de liège, des fois, c'est très, très difficile. Ah, OK, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais peut-être certaines sortes de bouteilles, j'imagine. Ça dépend de la force que t'es rendue et à quel nombre de bouteilles. Ah, mais je connais pas ma force, Tania. Tu sais, je suis un gars viril qui se gratte la poche. C'est pas vrai du tout. Ça a été dit à la radio, Mathieu. Non, je sais pas. C'était pas juste... on n'est pas en pratique en ce moment pour l'émission non, de 9h30. Je suis désolée. Donc, Beer Bottle Stein Lid. C'est un couvercle pour bouteilles de bière. Ah, mais c'est vraiment bien. Ouais. Donc, pour votre prochain Oktoberfest, peu importe, ça se connecte à n'importe quelle bouteille de bière. Ça empêche les insectes de venir nager dans votre boisson. Et évidemment, c'est comme un beer... les bouteilles de... Ça vient d'où, ça? C'est allemand, les Beer Stein? Mm-hmm. Il me semble. Je sais pas. Il me semble que oui. Ouais. Donc, une façon... J'irais assez drôle de décorer votre bouteille avec un petit peu de personnalité et de fonctionnalité. 9$ pour ce gadget-là. En fond, ça ressemble un peu à presque un truc pour éteindre les chandelles. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Ça ressemble vraiment à les anciennes cloches à éteindre une chandelle. Ouais, ou les feux. Tout à fait. C'est en plus gros, mais c'est très métallique. Ça ressemble à une cloche, je te dirais, avec un bouton gâchette sur le côté pour lever le bouchon. Pareil comme en Allemagne, dans Oktoberfest. Là. Tu lèves le bouchon avec le bouton, tu bois, le bouchon retombe tout seul. Même c'est super bien fait. Bref, on se comprend là-dessus. Ensuite, le Wink Pen peut utiliser n'importe quel liquide, dont du vin, pour écrire. Quoi? Oui, on vit dans une société jetable, on achète des crayons, on les jette, mais un designer basé à Portland, en Oregon, en fait une designer, Jessica Chan, a créé le Wink Pen pour arrêter de jeter des affaires en faisant la promotion, si on veut, de tout ce qui est durable, en créant le Wink Pen qui peut utiliser n'importe quel liquide comme encre, ça peut être de la bière, du thé, même du vin. Contrairement à d'autres crayons ou stylos en fontaine, lorsque l'encre sort du bout de métal, le bout en fait est fait de vitre. Okay. Ah, et ça va donner de l'encre et ça va la faire imbiber dans le papier. Ça va produire un effet esthétique plaisant, nous dit-on. J'ai comme l'impression que c'est comme... les ombres, les lettres chinoises là, à l'encre très, très diluée dans ouais, le temps. Ouais, ouais. Ouais. Ou écrire au jus de citron pour oui, les messages secrets. Oui, oh mon Dieu, tu te souviens de ça? Ça ressemble à ça. On pourrait sûrement faire ça plus facilement avec ce Wingpen-là. Sûrement. Et c'est la base, donc pas la base, mais le bout en vitre offre des avantages de ne pas avoir de corrosion. Et c'est plus facile à nettoyer. Concept intéressant, même si c'est pas super, super nécessaire et peut-être un peu trop cher, mais Wingpen va vous coûter 60$ et plus sur Kickstarter en ce moment. L'idée reste excellente. Ensuite, c'est des bon, les capsules de café à dosage unique. Là, les gens sont partis en outrage contre ça. C'est donc la fin du monde, même si c'est recyclable. Puis même si, bah, tu sais, pour vrai, les gens et la morale hein, sur Internet. Ouais. Hein, bon, je me sens mal, en effet, mais j'ai quand même pris la marque la plus recyclable à l'infini, nous dit-on. La plus chère aussi. La plus chère aussi, mais c'est recyclable à l'infini. Je trouvais ça important quand même. Oui. Bref, mais c'est ça. Les pods à café, les capsules, c'est quelque chose qui est maintenant passé en rencontrant Genie. C'est la machine à dosage unique, single serve food pod machine pour faire de la nourriture. Ah, ouais. Vous connaissez donc Keurig pour faire du café, chocolat oui. chaud, du thé, des soupes même. Ils font de la nourriture aussi chez Keurig. Mais bref, ici c'est Ayelet Carasso et Doran Marco, les entrepreneurs israéliens derrière cet appareil. Ils disent avoir trouvé la façon de faire des repas chauds dans un pod. Avec seulement un bouton à appuyer, c'est fait en une minute. Ben voyons donc. Magique. On peut faire des muffins, du poulet, du riz, des soufflés au chocolat. L'intérieur de la machine est un secret. Bien sûr, on ne sait pas comment ça se fait, mais ça se fait. Et on peut voir les photos avec la nourriture qui a l'air quand même assez prometteuse. Les pods ont une vie tablette entre 1 et 2 ans. Et on peut personnaliser un peu ces pods-là pour vos besoins diététiques comme sans gluten, sans lactose, okay. etc. Ça va coûter quelques centaines de dollars quand ça va sortir en Israël dans les prochains mois. Et ça devrait sortir dans le reste du monde si ça a un succès. Ça va coûter environ le même... ça va coûter à peu près le même prix par repas qu'un repas normal, même si c'est en pod. OK. Donc, nous dit-on. Ça va y aller un petit peu dans les alentours de quoi, j'imagine, une quinzaine de dollars. J'imagine comme un repas de restaurant, probablement. Ouais. On le voit ici, il y a quoi, du couscous, des biscuits au brisure de chocolat. Évidemment, les ingrédients qu'on voit à côté sur les photos sur assemblagerequis.com sont les ingrédients qu'il y a dans les pods. Et ensuite, le résultat est à côté. Voilà. Claire? Oui. Ensuite, okay. Merci. On retourne au liquide avec le Mito Liquid Heater. Pour faire évidemment chauffer ces liquides. Si vous voulez de l'eau chaude pour du thé ou peu importe, on a quand même quelques options dans la vie. On peut passer au micro-ondes, à la bouilloire. On peut faire bouillir de l'eau sur le rond, peut-être. Ouais. Et on peut maintenant ajouter Mito. C'est un appareil assez étrange qui utilise des barres chauffantes et de l'induction électromagnétique pour réchauffer votre produit, votre liquide. On place le liquide dans un contenant, par exemple, de verre. On place le bâton métallique à l'intérieur et on appuie sur un bouton. Et le courant électromagnétique va réchauffer la barre, ce qui va faire bouillir une tasse d'eau de 200 ml en aussi peu que 60 secondes. Eh, quand même! Il y a aussi très peu de déchets parce que vous allez seulement chauffer l'eau que vous avez besoin. Et ça fonctionne avec n'importe quel liquide comme de la soupe ou même du lait. Ça vaut 101$ américains. C'est quand même évidemment très très cher et qu'un micro-ondes va vous donner à peu près le même effet. Mm-hmm. Mais quand même, si on parle d'originalité de produit, ça reste assez le fun. Ah, c'est... Ouais. Et beau en plus. C'est plaisant. Plaisant. Tu paierais pas 100$ pour ça? Non. Non. Ensuite, le Destapa Banana. Haha, un outil pour fourrer votre banane. Quoi? Un produit pour fourrer votre banane. OK. Dernière fois, non. Non, c'est bon. Donc, est-ce que tu t'es déjà dit, Colin, ma banane est ben trop santé? Je dois avouer que non, je me suis jamais dit ça. Ben maudit, que cela ne tienne! Avec Destapa Banana, un outil pour faire un trou dans votre banane. Et ensuite, vous pouvez remplir ce trou-là. Hein? C'est pas parce que t'as un trou qu'il faut le remplir, comme on dit. Avec du caramel, Nutella, des Pop Rocks peut-être. Peut-être. Des arachides. Hein? La limite est tellement loin de nous. Hein? Ben hein? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avoue que par exemple, avec des peanuts, on sait que c'est très, très... pour les gens qui mangent des beurrés de beurre de peanuts avec des bananes dessus. Oui, très bon mélange. Ça doit être vraiment bon, par exemple. Et on s'entend, chocolat banane, c'est écœurant. C'est sûr. Banane caramel, j'adore. Mais ça a l'air très solidifié, hein, dans la banane. Ouais. Ça fait un trou, j'imagine qu'il faut que tu manges le trou. T'sais, c'est pas parce que c'est un trou qu'il faut que tu le manges, comment on dit. Bref, voilà. Ouais. C'est sur destapabanana.com. Mm-hmm. Ça s'appelle comme ça. C'est comme ça que ça, c'est comme ça. Ensuite, oh boy. Oh boy. Oh boy. J'aime beaucoup tu... Ouais. Le prochain est pour envoyer à vos ennemis un sac de thé en forme de poche, Tania. C'est de drôle, hein? De testicule, Mathieu. De testicule. Voilà. Merci de me le testiculer devant moi. de faire le mouvement. Alors, gesticuler, excuse-moi. Des fois, ça a des lapsus comme ça. Ouais. Donc, de nos jours, on peut envoyer à peu près n'importe quoi par le courrier. Hein, on a déjà parlé de ça dans cette chronique-ci. On a envoyé des fois du glitter. Mm-hmm. On a envoyé des crottes, du popo. Oui, oui, oui, c'est vrai, je me souviens. On a déjà envoyé des gummy penis. Ah ouais? Oui, oui, dans cette chronique-ci, on a fait tout ça. Ici, c'est le Teabag by Mail, un service qui va de façon anonyme livrer à vos ennemis un sac de thé en forme de testicule. C'est réutilisable et ça vient en plus avec un paquet de thé sans noix, donc nut free, comme dans cette sans testicule. On se comprend, hein? On se comprend? Oui. C'est un gag. C'est drôle. Ha, ouais, ha, ha. C'est pour les gens qui ont très, très peu de maturité. Ça a l'air vraiment très épais, par exemple, comme sac comme à poche. Thé. Oui. Ouais. En effet, c'est réutilisable comme comme une poche devrait l'être. Ensuite. Construisez-vous votre propre drink avec des cubes de glace, mais en forme de Lego. Ah, oh, ça, c'est cool. Lego Brick Ice Cube Trays. Ça fonctionne pas juste pour la glace, hein. Étant donné que c'est un rack à glace, ça peut fonctionner avec du jus, avec du café. On peut faire n'importe quoi, du chocolat. Peu importe, 5$ pour le petit rack sur Amazon en ce moment. C'est parfait pour les enfants, tu sais, une garderie ou quoi que ce soit. Du moment que t'as des petits gars ouais. autour, des, ça va des triper. Des petites personnes, Tania. Ben, t'es donc bien sexiste. Non, t'as raison. Moi aussi, j'aimais les Legos dans le temps. Bah, bataille, Tania. Je t'ai pas éduqué de même. Je sais. Ensuite, c'est le Fold Project Eating Set. C'est vraiment cool. Ça ressemble un petit peu à des mets chinois qu'on se ferait commander, des mets asiatiques qui viennent dans un petit carton pliable. Tiens. Mm-hmm. Donc, à la place de tout le temps, de peut-être s'acheter des trucs comme ça pliables de carton pour faire vos, pour avoir l'impression de s'être fait livrer du chinois, je sais pas trop quoi. C'est fait à la place de plastique. Qui est parfait pour aller avec la nourriture, donc sans BPA et sans trucs comme ça. C'est des assiettes, des bols, des verres, des ustensiles qui se plient en quelques secondes et qui se cachent dans l'armoire de façon dépliable, dépliée. Oui. Pareil comme ces morceaux de carton-là qui sont dépliés à la base et que tu vas plier pour faire pour livrer du chinois. Bref. Et c'est complètement watertight, donc à l'épreuve de l'eau qui coule de tous les bords. Tu mets de l'eau bouillante, tu mets des repas chauds. Ça va aussi au lave-vaisselle. Et okay. C'est fait en Nouvelle-Zélande du début à la fin pour 20$ pour l'ensemble. C'est vraiment cool parce que pour moi, ça ressemble à du carton plié, ce qui est vraiment cool comme effet. Et c'est complètement réutilisable, j'adore ça. Ils ont ramassé 2410$ sur 2000$ au mois d'avril. Donc j'imagine qu'on va recevoir ces produits-là pour ceux qui l'ont commandé bientôt. Ah, c'est bien. Ensuite, t'aimerais pouvoir mettre du beurre sur ta toast. Ah, tiens, hey, une question pour vous à la maison et pour toi, Tania. J'ai oui? vu passer sur Facebook, peut-être toi aussi. Quand tu mets du croton sur du pain toasté rôti, hey, fais pas cette face-là, c'est délicieux. Je mets pas de croton, point. Avec de la moutarde, là. Oh, non, oublie-moi. Le paradis. Mais bref, quand mettons si quelqu'un te faisait des toasts au croton, ouais. Est-ce que t'appelles ça des toasts au croton ou un sandwich au croton? Des toasts. Ben oui, des toasts. Clairement, des toasts au croton, c'est la bonne réponse, je trouve, moi. Ouais. Mais sur Facebook, les gens sont partagés. Il y en a qui disent sandwich, j'imagine que ça dépend de la région. Mais moi, pour moi, une sandwich... J'imagine que ça dépend si tu refermes avec deux tranches de pain. Ben, tu vois, c'est exactement ça que je me dis. Un sandwich à deux tranches, je suis bâtard. Ouais. Tu sais, une tranche, moi, je fais ça. Je fais une tranche, je mets du croton, je mets de la moutarde. Après ça, je me fais une autre toast, c'est juste du croton pour varier, tu sais, moutarde, pas moutarde. Ouais, t'sais. OK. Bref, ma vie est tellement intéressante. Mais est-ce que tu les refermes? Non, jamais. Bon, ben, c'est ça. Ça, c'est deux toasts. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Donc, bref, peut-être dessous tes crotons, mets-tu du beurre? Ça m'arrive de mettre de la margarine sous mes crotons, ça donne un petit goût salé encore plus. Ouais, ta face a l'air de pas être d'accord. Sérieux, juste le mot croton. Wow! C'est parce que t'as peut-être pas goûté la bonne marque, parce qu'il y a des marques de crotons que j'aime pas. Mais bon, je te dirai pas quoi faire. Ouais, non, c'est ça. C'est la morale, hein? donc, les sandwichs grilled cheese ou des toasts au beurre, c'est tellement, tellement bon, mais beurrer du beurre sur du pain, si le beurre est froid. Mm-hmm. C'est plate en maudit. À la cafétéria, des fois, les petits contenants de beurre sont trop froids. Outrage. Tu sais, mes taxes, même. Oui, oui, oui. sortir le beurre. J'aime vraiment se rire des gens qui disent mes taxes. Hein. Donc, sortir le beurre à l'avance pour le ramollir, c'est une façon de régler le problème, mais Colin, des fois, on n'a pas ce temps-là. T'sais. Donc, Cook's Innovation Butter Mill pourrait être la meilleure solution. Hein? C'est donc un petit moulin à beurre. C'est comme un contenant. T'es okay. supposé mettre tes bâtonnets de beurre dedans. Et ça va te donner un petit ruban de beurre. Ça va se propager beaucoup plus facilement sur une tranche. Parce que ton beurre froid va venir être mouliné. Mouliné? Mouliné. C'est fait en trois parties. T'as la base avec le beurre dedans. Ouais. T'as la lame et t'as le couvercle. Et en tournant, ben, ça va faire un peu comme un moulin à poire. Comme une espèce de parmesan. Comme, hey, c'est l'exemple parfait. Pourquoi j'arrête pas de taper sur la table aujourd'hui? Je sais pas, hein, sais mais pas. Ouais, c'est fort. C'est fatigant. J'ai jamais fait ça de la vie, puis là, soudainement, il tape tout sur la table. C'est quoi? Il se prend-tu pour outrage? Regarde. Outrage. On est pas ailleurs. Arrête. On est pas ailleurs. ça sonne dans mes oreilles. C'est ça. Bref, elle me l'a dit, arrête. Donc c'est ça, lame facile à enlever, facile à nettoyer aussi. Géniale idée, le moulin à beurre. Le butter mill. Ouh, apparemment, par contre, il y a eu une mise à jour de l'article. Une mise en demeure? Pas une mise en demeure, une mise à jour de l'article. Et ça dit que ça dure pas très très longtemps parce que le bas devient très très difficile à tourner après certains temps. Ah! Ouais. Ben voyons, c'est dommage. T'en achèterais un autre, hein? Triste. Ouais, il y a des défauts comme ça au produit, c'est dommage. Ouais, il y a des choses comme ça qui feraient que j'achèterais pas le produit. C'est malheureux. Ensuite, ça là, juste pour le nom, j'achèterais. C'est le Decapitator. Comme décapiter, ça veut dire enlever la tête de quelqu'un. T'sais, des fois, on va dire que quelqu'un s'est fait décapiter comme en disant il s'est fait défaire en morceaux. Mais non, décapiter, c'est la tête. OK, oui. Démembrer, oui. C'est les membres. Tu comprends? Oui. Je sais pas si détronçonner, c'est le milieu du tronc. Je sais pas, mais bref, le Decapitator, c'est un jeu de mots pour enlever le capuchon, le cap d'une bière. Oui. Donc c'est super simple, c'est vraiment un gadget que tu vas... c'est comme un cylindre que tu vas prendre et que tu vas venir insérer sur le dessus du shaft de la bière. T'as vraiment des connotations aujourd'hui qui sont assez douteuses, c'est toi Mathieu. Qui penses croche, Tam. Ben oui, c'est clairement ça. Donc tu vas venir insérer ça, très très profond, plus profond encore, sur le shaft de la bière. Et quand il va perdre son bout. Non, mais tu sais, c'est le même. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Est-ce que c'est faux? Ça va enlever le bout de la bière, le capuchon. C'est fait pour décapsuler la bouteille, en effet. C'est ça. Donc, ouvrez votre bouteille sans avoir à vous faire mal aux mains. Hein? Mm-hmm. Vous épuisez manuellement. Ça va être avec très, très peu d'effort. Donc, le décapitateur va passer sur le bouchon de la bière. Tu vas pousser par en bas. Hein? Mm-hmm. Petit mouvement de va-et-vient. Et soudainement, la bouteille est ouverte. Ça gicle partout. OK, là, je vais trop loin. Donc, il y a un aimant... Ouais, là, c'était même plus imagé. Donc, il y a un aimant à l'intérieur du décapitateur qui va s'attacher, s'accrocher au bouchon jusqu'à ce que tu sois prêt à le jeter. Il y a une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, mais ça, c'est parce que vous êtes calme, si vous avez besoin de vidéos pour ça. Pour vrai, je pense que tout le monde a compris. Je pense que c'est assez rapide de connaissance. Oui, c'est ça. Je l'ai bien expliqué de façon imagée pour les gens visuels. Très bien expliqué. Un peu trop, peut-être. Ensuite, de l'eau à boire en sac. C'est l'eau, c'est le système de filtration d'eau par sac. OK. Il faut squeezer très, très fort le contenant jusqu'à ce que l'eau te sorte dans la bouche. Tenez. OK. Donc, si tu fais du camping, de la promenade ou des activités extérieures, t'as besoin d'eau fraîche. Mm-hmm. Hein? Des fois, ça peut être difficile à trouver. C'est vrai. Hein? Donc, tu veux pas avoir à te prendre le risque de boire de l'eau dans un marécage où tu sais pas si l'eau elle va être sécuritaire. Donc, avec le Squeeze Water Filter System, tu peux avoir tous les avantages de boire de l'eau sans avoir à trouver de l'eau fraîche. Hein? Le kit contient donc des poches légères, une poche légère, une poche durable, une poche escamotable. En 16, 32 ou 64 onces par poche. OK. Ça aussi un système de filtration Sawyer 0,10 Absolute Micron Hollow Fiber Membrane Screw-on Off Water Filter. Là, on s'entend avec autant de mots, ça peut pas être autre chose que crédible. C'est sûr. Hein? Donc, tu vas visser après ta poche, après l'avoir remplie d'eau. Et tu vas ensuite, comme j'ai dit tantôt, squeezer la poche pour forcer à l'eau de passer par le filtre et se rendre jusqu'à ta bouche. Est-ce que tu as vu combien ils vendent cette poche d'eau-là? Combien paierais-tu pour ça? Pas 60$. Non, directement sur le site de Sawyer. Et tu peux te prendre aussi un kit d'urgence de plus pour être vraiment prêt pour les urgences. Et ça va coûter 120$ plus taxes. Ben voyons. Tu peux donc boire directement à partir du filtre en utilisant un bouchon qui est inclus. Ou encore laisser tomber la poche et l'attacher directement à une bouteille d'eau que tu as déjà, dont une bouteille de 2 litres. C'est quand même cool, ça peut garantir. En fait, ça garantit 1 million de gallons pour le système de filtration. 1 million, Tania. 1 million. Pour 60$. Hein? Voilà, je pense que c'est tout. On va essayer de parler de poche pour l'instant. On va revenir tantôt. Je crois qu'on va avoir le temps en fin d'émission pour revenir avec un deuxième bloc de gadgets. Mais avant ça, après la pause, ça va être le bloc de cuisine. Évidemment, une grosse pointe à l'adresse. Oui. Ça s'en vient au retour de la pause. Assemblage requis. C'est plein de jeux de mots douteux. Restez là. Assemblage requis. Vous êtes assez fou? 89.1 Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui. requis. Toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 18 février 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, une grosse pointe en dresse, mais avant ça, on est dû pour une petite chanson, hein? Écoutons, c'est le Young Rival qu'on adore et qu'on joue parce qu'on l'aime. On l'aime beaucoup, on la joue beaucoup. Oui, on l'aime beaucoup, c'est Interior Light. Hey! Hey! Young Rival! Au 89 FM! C'est fou! Dans vos oreilles! Ah! Comme là, là. Ben oui. Laisse-y le temps, il fait froid. Young Rival et Interior Light. À Assemblage Requis, ils m'ont dit qu'on l'aime cette chanson-là. Ça mm-hmm, vraiment. Le bout, le ring ring avec la guitare, le ring ring ring, c'est bon. Ce qui est bon aussi, parle mm-hmm. de ring ring, moi je fais ça quand je mange. C'est vrai, ça ressemble pas mal à ça. On mange ensemble, puis pour vrai, c'était fidèle comme, comme imitation. Voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, la galette dans laquelle on goûte à de la malbouffe, quelque chose de malsain acheté en épicerie ou en dépanneur. Je suis allé à l'épicerie cette semaine. Hein? Ouais, ouais. Mais non, arrête. Je sais, c'est rare. Ça faisait un mois que tu avais pas été. Ouais, j'ai acheté comme pour 100$ de trucs. C'est pas si pire que ça pour une fois ah, en un mois. T'sais. Mais bref, j'ai vu tellement de nouveaux produits que j'ai hâte aux prochaines semaines. Oh. Je pense qu'on va devoir en faire plus qu'un aujourd'hui. OK, on va en faire deux. On commence. On a le temps. On commence par un puis on finit par un. Ça pourrait être ça? C'est bon. Bref, t'as le choix pour commencer. Est-ce que tu préfères? Et là, t'as plusieurs sous-catégories de choix, OK? OK. Est-ce que tu préfères quelque chose de salé ou quelque chose de sucré ce matin? Tu me poses toujours la même question, hein? Ben, c'est souvent ça. Je vais y aller avec salé okay. pour débuter. Bon, ben, j'ai juste une affaire salée, fait que ça va être ça. OK. À un moment donné, j'ai Est-ce que c'est comme super salé? Ben, je me le demande, on va voir. En fait, okay. C'est croustillé au houmous. Ouh! Hein? Oh, là, tu m'allumes. Ben oui, parce que c'est bon, l'humus ou houmous ou hummus ou comme, peu importe comment vous appelez ça. Si, écrit avec un O. Ouais, ben, ça dépend. Il y a beaucoup d'épellations de houmous. C'est comme Hanouka, il y a plein de façons de l'écrire. Mais bref, c'est chips et pas croustillé, alors chips. Chips. Au houmous avec sésame. Oh, miam! C'est par la compagnie Boulder Canyon, sans gluten. OK. Quand même le fun, ça aussi. J'ai trouvé ça en épicerie dans les produits internationaux et santé. Mm-hmm. Et il y en avait plein, donc j'ai choisi celui qui m'attirait le plus à l'houmous. Ça dit donc fait de pois chiches, comme l'humus. Évidemment. Et de graines de sésame noir, encore des graines, tout à l'heure. Nos croustilles à l'humus sont une collation santé, délicieusement satisfaisante pour toutes les occasions. Donc une collation satisfaisante, bien sûr. Mm-hmm. Pas satisfaisante, là. Quand même pas, là. Mieux vivre, manger Boulder. Et leur slogan en français, Live Better, Eat Boulder, ça rime plus en anglais, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve. On peut les visiter sur Facebook pour avoir des promotions exclusives, disent-ils. C'est distribué par Boulder Canyon, une filiale d'Inventure Foods. C'est okay. sur son Nasdaq inscrit en bourse sous le nom de Snack, S-N-A-K. Intéressant. Ingrédients, maïs, pois chiches. C'est drôle parce que pois chiche revient plusieurs fois. Non, pois chiche est au pluriel. Et entre parenthèses, ça contient des pois chiches. Oui. Ben, en anglais, ça dit des fèves de garbanzo qui contiennent des pois chiches. Donc, fèves de garbanzo. C'est peut-être différent. C'est peut-être différent, mais en français, c'est les deux pois chiches. Huile de tournesol, huile de cartame, amidon pré-gélatinisé de maïs, maïs maza, pommes de terre, il y a des pommes de terre là-dedans, graines de sésame noires et un paquet d'autres choses comme ça. Du sucre de canne évaporé, entre autres. BoulderCanyonFoods.com. Là, je pense que j'ai fait le tour des détails. Le sac a été fabriqué le 3 novembre 2015 et il est bon jusqu'au 3 novembre 2016. Ah, OK. Donc, on a vraiment un an ça pour ça a l'air quand même rigide, hein, comme emballage. Oui, quand même rigide. Le sac est en gros papier cartonné un peu. OK. C'est quand même cool comme sac. C'est super léger comme sac. Je me demande s'il y a beaucoup de chips. Je pense pas qu'il y en a tant que ça. On va voir ça. D'après moi, j'irais un petit peu moins que la moitié du sac. Donc, je te l'envoie dans le corridor où les dégâts sont impossibles. Voilà. Tellement de talent pour ça. Et on va l'ouvrir dans le micro magique Boulder Canyon. Chips au houmous et au sésame. J'ai comme peur d'être en train de tout déchirer. Il a l'air de... Genre, je me demande comment l'ouvrir. Ah, je pense qu'il y a une fente sur le dessus. Oh, oh, oh. Là, en plus, tu sais, j'ai des ongles longs, là. Mais la fente, ce serait mieux. En tout cas, je me demande si... Il n'y a pas de fente. Pas de fente? Il y a zéro fente. Okay. Ça a l'air de du papier plastifié en plus, okay. Qui est très difficile à manier. Ah, tu l'as. Tu sais, c'est vraiment cartonné, là, on l'entend. Ouais. C'est un sac de qualité, ça paraît. Ouais, un sac de chips normal. Je vais t'avouer qu'il n'y a pas... Il n'y a pas 1 000 000 000 de chips dans le sac. Non. Il y a exactement comme... Pas mal la moitié. Moins que la moitié, ouais. Là. Je l'avais pris. Ça sent très bon. Est-ce que ça sent l'humus, le sésame? Non, je te dirais que... Ça sent les chips de maïs, mais... Ça sent beaucoup, beaucoup de maïs, en fait. Okay. Ça sent les Miss Vicky. Oh, miam, j'adore. C'est ma marque préférée. Je me demandais à quelle sorte de chips ça me faisait penser, ça sort. Mais lesquels, les jalapenos, les traditionnels? Les traditionnels. Cuites à la marmite, hein? Ah, cuites oui. À la marmite. Je vais m'en prendre une. Okay. Non, plus qu'une, quand même. Deux. Ben là, plus que deux. Je vais prendre le sac. Ben là, tu sais, mange ça pour la peine. Et l'humus était de nature, hein? Ou c'est de l'humus à la sésame? Ça dit pas. J'imagine que c'était à la saveur. Il y aurait, j'imagine, écrit la saveur sur le sac. D'après moi, c'est traditionnel. J'imagine. Ouais. Donc, on va goûter. Je vais sentir aussi. Ça sent vraiment les Miss Vicky, je trouve. T'as raison, ça sent les chips cuites à la marmite, ce qui est peut-être le cas. J'aurais aimé qu'il le précise sur le sac. Ouais, peut-être. On y va? OK, on y va. On voit le noir des graines de sésame. Ouais. Oh! C'est plus mince que je pensais. Oh, vraiment? C'est comme du papier. On dirait qu'on mange le sac de chips. Tu vois, je goûte pas nécessairement l'humus. Moi non plus, ça goûte en effet les Miss Vicky's à la marmite. Ça goûte pas grand-chose. Ça goûte pas grand-chose. Moi, je trouve vraiment que ça goûte le maïs. Ouais. Et ça a pas autant de croustillant que j'aurais aimé. C'est mou un peu. Ouais. Je m'attendais à un gros crunch. Mais c'est une petite rage de salé. Oui. Ah, parce que c'est quand même salé, là. Ouais. C'est comme très salé. Moi, je les aurais fait peut-être trois fois plus épaisses, à peu près. Ah ouais, toi, je vais t'avouer que moi, j'aime ça que ce soit pas si épais que ça. Ouais. J'aime bien. J'en rachèterai pas nécessairement, par contre. Ah ouais? Sauf que je peux plus arrêter. Mm. J'aime l'arrière-goût qui fait un peu comme une chip de tortilla. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Mm-hmm. Ça goûte comme les Tostitos Cantina. Oui. Les plus minces. Exact. Mais celle-là serait pas bonne pour de la trempette. Parce qu'elles sont trop minces. Je la mettrais pas avec trempette. Je la mangerais vraiment avec, exemple, un wrap ou un sandwich. Quelque chose de santé. Ouais. Sinon, peut-être tremper dans de la petite trempette sauce très, très... plus... Ou dans l'humus. Ou même dans de l'humus, mais c'est trop solide, de l'humus, non? Je sais pas. Très bon. Très bon. Moi, je donne un pouce en l'air. Pouce en l'air aussi. C'est ça. Ça veut pas dire que je vais en racheter parce que c'est quand même cher. Mais j'aime ça. Bref. Ouais. Nouvelle de fast-food, Tania. Allons-y. Oui. Reprenons la souris en s'essuyant bien comme fou les mains. Donc, on parle de Pepsi à saveur de Cherry Blossom. Tu sais Cherry Blossom? Ouais. Comment c'est bon? À la cerise... Je sais pas comment on peut dire ça. Cerise chocolatée, j'imagine. Qui s'en vient au Japon. Chocolat à la cerise. Chocolat à la cerise, voilà. Donc, c'est... bon, on connaît au Japon les saveurs de Kit Kat, les saveurs de Doritos. Sakura Pepsi, maintenant, va goûter comme les fleurs. Je pense pas que c'est chocolat à cerise. C'est plus les fleurs d'un arbre, d'un cerisier. Ah, peut-être. Ouais. Oui, surtout si ça c'est vient ça. De la Chine. Japon. Japon, donc, ce Pepsi saisonnier qui va sortir le 8 mars prochain, selon le site japonais Nico Nico News. Ça a un arôme de cerise sucrée. Il n'y a pas vraiment d'autres descriptions pour ça. On va se demander si ça va avoir une meilleure réception que le précédent produit de Pepsi qui était le Pepsi au concombre glacé. Au concombre glacé. Ouais, qui n'avait pas eu tellement de succès. Donc, c'est une saveur japonaise de Cherry Blossom pour les Japonais. Les feuilles de Sakura sont déjà très répandues dans ce pays-là. Les feuilles préservées sont aussi utilisées comme emballage pour des Sakura Mochi. C'est un gâteau au riz rempli de pâtes sucrées et molles fait de fèves d'Azuki. Les feuilles elles-mêmes, apparemment, ont un petit goût genre sucré-salé. Salé-surette, voilà, fragrant, qui sent beaucoup. Ce qui va venir compenser pour le goût de mochi qui est un petit peu plus fade. Même chose pour les fèves de Azuki qui sont plus sucrées. Bref, c'est une grosse description quand même assez détaillée. Un goût particulier, nous dit-on, pour ce Pepsi Cherry Blossom au Japon. Ça va être sur eBay, c'est certain. Ensuite, une barre texturée, ou texturisée, je dirais, qui veut vous faire changer votre expérience par rapport au chocolat. Donc, une barre de chocolat pour à peu près tous les goûts. Hein, chacun a sa préférée. Que ce soit du chocolat blanc, du chocolat avec un très, très gros pourcentage de cacao. Oh, ça oui. Toi, c'est quoi? Moi, je dirais que j'aime quand même pas mal le chocolat noir, mais je préfère le chocolat au lait de ces temps-ci. Ah ouais? J'aime le chocolat au lait. Le classique chocolat au lait. Classique chocolat au lait. Sucré. Bref, une nouvelle série de barres de chocolat. Toi, c'est quoi ton préféré? J'aurais dû te renvoyer la question, je m'excuse. Chocolat noir, définitif. Oh, pas trop foncé, le chocolat noir, pour moi. Ça dépend. Honnêtement, j'aime le chocolat noir jusqu'à vraiment beaucoup de pourcentage. Ouais. Mais le chocolat noir à la menthe... Ah oui. J'adore. Ou au caramel. Non, tu vois, non. Je suis vraiment plus... Je tripe pas tant sur le caramel. Ouais. Je sais que tu tripes vraiment fort, beaucoup ouais. sur le caramel. Mais moi, je dois avouer, non, côté menthe, le chocolat à la menthe, là, tu m'as. Ah, wow. Ouais. Donc, une nouvelle série de barres de chocolat. C'est de vous dire que ce qu'il y a à l'extérieur du dessert compte autant que ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. C'est une compagnie de design, Nando, qui a créé la Chocolate Texture Bar, une ligne de barres de chocolat qui met l'accent sur la texture. Donc, ça a 12 sections détachables de points au zigzag qui sont faites pour ajouter de la saveur à ta langue. Ah, oh, ouais. Par la texture, tu comprends? Okay. Donc, si manger est souvent juste une action, on va le goût, en fait, est reconnu en passant par plusieurs procédures comme se placer sur le dessus de la langue, c'est une action, ensuite mordre, ensuite rouler dans la bouche, fondre et avaler. Donc, il y a différentes procédures quand on mange. Et bien, la Chocolate Texture Bar est une seule barre de chocolat, mais la surface est divisée en 12 portions. Avec différentes textures, et à chaque fois que votre langue goûte, en fait, touche à ces textures-là, on va avoir une nouvelle dimension de goût qui ressemble pas à d'autres chocolats. Donc, c'est le même goût de chocolat, mais la texture fait que le chocolat goûte différent. Ah, oh, c'est vraiment cool. Ça doit être toute une expérience à essayer. J'aimerais vivre ça. Les barres sont au chocolat au lait, et il y en a aussi aux fraises, au chocolat blanc, au chocolat plus amer et au matcha. Intriguant quand même, ah, le matcha. Ah, le matcha, ça doit être vraiment bon. Ouais, il y a aussi le Chocolate Mixture Set qui permet de mixer les saveurs. Comme mangue séchée, congelée. Okay. T'as framboise et t'as... Pardon, t'as framboise dans une flasque de chocolat. OK. Et t'as C'est quoi ce white chocolate cork? Donc, liège et chocolat blanc. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Non, c'est ça. Mais bref, intriguant. Allez voir le projet Chocolate Texture sur assemblagerequis.com. Et Chocolate Texture Bar et Chocolate Mixture disponible pour achat au Japon. Évidemment, encore une fois, il y a des sites d'importation et des sites d'exportation. Donc, renseignez-vous si ça vous intéresse. Est-ce que tu connais la sitcom pour adolescents des années 90, Saved by the Bell? Non. Un classique américain, sauvé par le gong en français, parce que les Français sont de même, tu sais, ils peuvent pas utiliser des mots normaux. Là. Ah donc, oui, je connais. Ouais, je viens de voir la photo. C'est cool. Et on sait, en Australie, on a déjà parlé qu'il y avait un bar George Costanza de Seinfeld qui était ouvert. Donc là, maintenant, c'est la sitcom des années 90, c'est Saved by the Bell. Ça s'appelle le restaurant Saved by the Max, parce que le restaurant s'appelait The Max dans Saved by the Bell. Donc c'est un restaurant pop-up, c'est-à-dire un restaurant temporaire qui prend la place d'un commerce vide, qui va ouvrir cet été à Chicago. C'est une parodie, en fait, c'est un diner et bar. Le restaurant va être ouvert seulement pendant le mois de juin. Okay. Il va y avoir, entre autres, les AC Sliders, pour hommage à AC Slater dans Saved by the Bell. T'as le Preppy BLT, en hommage à Zach, qui était un preppy, et il se faisait traiter de preppy. T'as le Macaroni and Screech, ou le Macaroni and Cheese, pour le personnage de Screech. Mm-hmm. Les Belding Fries, pour le directeur Monsieur Belding. Lisa Turtle Milkshake, parce que le personnage s'appelait Lisa Turtle, j'imagine que c'est un milkshake aux Turtles. Et t'as le Bayside Inspired Booze and Cocktails, donc des cocktails inspirés par Bayside, qui est la ville où ils habitent en Californie. Les serveurs, hommes et femmes, vont s'appeler Max et Kelly. Donc Max, qui était le propriétaire du restaurant de Max dans la première saison, et Kelly, qui était le personnage féminin principal, joué par Tiffany Amber Thiessen. Est-ce que t'as vu autre personne, autre que Mario Lopez, devenir quelqu'un de connu? Tiffany Amber Thiessen a joué dans, je sais pas si c'était Beverly Hills ou autre. OK. Alors que l'autre fille avec les cheveux bouclés, je me rappelle jamais. Elizabeth Berkley a joué dans Showgirls, où elle montrait les seins. Ah, ben oui. Mark Paul Gosselaar a eu plusieurs séries, mais je dirais que non, lui, sa carrière n'a pas tellement monté parce qu'il s'est fait retirer ses émissions une après l'autre. Il a joué dans NYPD Blue, qui a eu quand même pas mal de succès. Oui. C'est celui qui a joué Screech, qui n'a jamais rien fait par après. Et le directeur, M. Belding, parce que les deux étaient tellement typecastés en tant que le nerd gossant et le directeur, directeur d'école un peu à la M. Giroux. Là, tous les directeurs d'école dans les sitcoms sont pareils, on s'entend. En effet. Interchangeables. Mais ces deux-là, les personnages les plus stéréotypés n'ont pas eu de succès par après. Les vedettes traditionnelles en ont eu un petit peu. Mario Lopez, ça me surprend que tu dises que celui qui a eu le plus de succès parce qu'en ce moment, il anime un magazine à la Flash, là, genre sur les portraits présentement, mais tu sais, je veux dire, c'est celui qu'on a vu le plus après. C'est celui qui a des trous dans les joues, là, qu'on a vu dans toutes les émissions de vedettes, là, de supposées vedettes où il danse avec des vedettes, puis les shows de télé-réalité, puis animé. Think He Can Dance. Exactement. Il a joué dans Grease Life, il n'a pas très longtemps. Cool, hey, ça, faut que je le voie. C'était très bon. Ah ouais, super bien fait. Bon commentaire, c'était sur Fox, ils ont fait une version devant public et en direct de Grease. Exact. Faut que je vois ça, j'ai téléchargé d'ailleurs. Bref, ensuite, passons à ça, je me demande comment rendre cet article-là sérieux. C'est une boisson qui vient avec un orteil humain. Mais c'est dégueulasse! C'est à Dawson City, au Yukon, au Canada, qui est une ville minière. Le genre d'endroit, dit-on, sur mentalfast.com, où on doit se trouver des nouvelles façons de se divertir pendant les hivers très très froids. Selon la légende locale, un certain capitaine Dick Stevenson nettoyait ou faisait le ménage de sa cabine mineur en 1973. Il a trouvé une surprise, un orteil humain momifié qui flottait dans une jarre, un pot d'alcool. Évidemment, il aurait pu jeter l'orteil ou essayer de la donner à un musée peut-être, mais lui, il a essayé de créer un drink unique qui est une part d'orteil et une part de champagne. C'est Dylan Touras chez Atlas Obscura qui nous explique dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Il nous parle de cette boisson qui s'appelle le Sour Toe Cocktail, qui est devenu un succès dans un bar local, dans un hôtel, donc un hôtel qui a un bar à l'intérieur. Ouais. Des milliers de gens l'ont apparemment essayé. Certains ont même ramené le certificat qui est donné à ceux qui boivent le verre. En fait, il y a une règle de plus que ça, c'est vous pouvez le boire rapidement, vous pouvez le boire lentement, mais les lèvres doivent toucher à l'orteil. C'est dégoûtant. On peut boire le cocktail aujourd'hui au Sour Toe Saloon, dans le Downtown Hotel de Dawson City au Yukon, Canada. Le champagne a été remplacé par de l'alcool un petit peu moins cher, mais toujours aussi approprié, le whisky, à la place. Les orteils dans la boisson ont une petite habitude, elles disparaissent. Les gens les avalent accidentellement ou autre, des fois vont les voler. En fait, il y a tellement eu de doigts de pied disparaissants que maintenant il y a un frais de 25 000 $ si quelqu'un avale l'orteil. Mais non. Si t'avales l'orteil, t'es mieux de te mettre le doigt dans... Ouais. Mais c'est dégoûtant. Le bar serait présentement, selon les rumeurs, à leur 10e orteil. Mais heureusement, ils en ont une en réserve en tout temps. Comment ils prennent? Ils cherchent où leurs orteils? J'imagine chez le croque-mort, je sais pas. littéralement le croque-mort. Donc, le Sourdough Saloon est le seul bar à servir un cocktail avec de la peau humaine à l'intérieur, mais boire de l'alcool qui a été utilisé pour préserver des humains et d'autres animaux, ce n'est pas quelque chose de peu commun. En fait, c'est très commun. En Grande-Bretagne, la phrase « tapping the admiral », donc boire un petit peu d'un verre très, très, très, très fort, de l'alcool fort, ça fait référence à une légende dans laquelle le corps de l'admiral Horatio Nelson était préservé dans un baril de brandy ou de rhum après sa mort lors de la bataille de Trafalgar. Lorsque le corps est arrivé en Angleterre, le baril était vide, probablement parce que les marins, assoiffés, avaient fait des trous dans le baril pour boire, alors qu'il y avait un corps à l'intérieur. Ne sachant pas que... Ça, c'est vraiment weird. Tu sais, quand tu parles de creepy, ça, c'est creepy. Ça, c'est dégoûtant. Hashtag c'est même pas creepy. Disgusting. Allons-y avec le prochain. Snoop Dogg, le pro du hot dog. Oui. Le pro du hot dog. Burger King a maintenant comme vedette Monsieur Snoop, ou Monsieur Dogg, je pense. Snoop Doggy Dogg. Donc, la chaîne de restauration rapide Burger King rend public une vidéo dans laquelle le chanteur et comédien Snoop Dogg explique aux employés comment préparer son nouveau produit qui est le hot dog. Selon Burger King, la vidéo avait au départ une mission de formation des employés, était donc vouée à l'utilisation interne. Mais la forte demande du public aurait incité le restaurateur à la mettre sur son compte YouTube à la vue de tous. Moi, je suggère qu'on aille écouter cette vidéo instructive d'une minute de Snoop Dogg. Burger King employees. Bonjour, employés de Burger King. Aujourd'hui, nous vous présentons quelque chose de nouveau sur le menu, les Grilled Dogs. On est dans une cuisine de restaurant Burger King à l'arrière-plan. On voit Snoop Dogg. Quoi de neuf, vieux? Tu me connais? Snoop DLGG. Pour le BK. Aujourd'hui, on va vous entraîner pour faire des hot dogs, des grilled dogs. Des hot dogs grillés à la perfection. Ils vont le faire à sa façon, là. Zucchini, légumes, peu importe, vous savez. Quoi mettre dans votre hot dog? Qui veut m'aider? La femme lève sa main. Vous voyez ce hot dog? Tout bien frais, avec tout plein d'ingrédients super délicieux. Tellement frais, tellement vert. Burger King fait ce qu'il a à faire. Yo, DJ! Fais-moi griller ça. Et là, des passes de caméra lentes, des zooms sur des saucisses. Voici comment on fait. On met du ketchup. Mustard. Moutarde. Your relishes. Yo, de la relish, dude. You know, relishes ain't nothing but chopped up pickles. Vous savez que la relish, c'est des cornichons hachés. Yo. Remember the name. Hein? Rappelez-vous du nom. Grilled dogs. Hot dogs. Le Whopper des hot dogs. Like Snoopy D.O. Double G. C'est comme moi, Snoop D.O. Double G. One love to the BK, baby. Au BK, baby. One love au BK, baby. C'est hein? Très drôle. C'est drôle, drôle, drôle, drôle. Drôle. C'est Snoop Dogg. C'est stupide, mais c'est drôle. C'est stupide. Ça aurait pu être un petit peu plus drôle. On dirait que comme ça manque un petit peu de gag. Ouais. C'est vraiment juste qu'il parle comme il parle d'habitude. Mais en temps normal, c'était juste pour les employés, donc... Absolument, absolument. Et c'était vraiment, évidemment, parce que Snoop Dogg, il porte le nom de Dogg. À un moment donné, il faut être conséquent. Hein. Ouais, c'est ça. Ton Grilled Dogg par Snoop Dogg makes sense. Ensuite... c'est là, les longs articles que j'aime moins ça. Si vous aimez pas ça, les gens qui mangent fort, apparemment que c'est normal, il y a un nom pour ça. Oui, hein? Oui, oui. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Apparemment que les gens qui sont distraits ou troublés par ces sons-là, comme Charles Darwin, Marcel Proust, Anton Tchekhov, Frank Kafka, apparemment que Frank Kafka a déjà dit « J'ai besoin de solitude lorsque j'écris. Comme un homme mort, j'aurais besoin de... C'est pas comme un ermite, ce serait pas assez, mais j'ai besoin d'être un homme mort, je pense. D'accord. Donc, une recherche de Northwestern University nous apprend qu'il y a un lien entre la créativité et l'incapacité à filtrer les bruits environnants. Pour vrai, si c'est quelque chose qui me dérange, c'est bien, mettons juste la radio dans le corridor. J'ai de la misère à travailler quand c'est fou dans le corridor. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui me mange d'en face et qui sape comme pas possible, t'sais. Donc, l'étude dans Neuropsychologia, publiée en mars dernier, nous fait un lien entre les penseurs créatifs et différents niveaux de problèmes sensoriels. Donc, c'est un processus neurologique involontaire qui filtre les stimuli qui n'ont pas rapport, donc qui sont pas nécessaires. Il y en a qui ont de la difficulté à avoir que ce filtre-là n'est pas aussi présent. Ils ont de la misère à bloquer les stimuli externes. Donc, les chercheurs ont demandé à 97 participants de remplir un questionnaire nommé Creative Achievement Questionnaire qui donc parlait de ce qu'ils avaient réussi à accomplir dans le vrai monde, dans des domaines créatifs. On leur a aussi demandé de performer, de faire un test de pensée divergente, donc une technique utilisée en laboratoire pour comprendre la cognition créative, un peu comme tu parlais dans ta chronique tantôt. Dans un autre test, les participants se faisaient jouer une série de bips pendant que des scientifiques mesuraient leur activité au cerveau, en enregistrant donc les réponses neurophysiologiques involontaires qui avaient lieu à 50 000 secondes après un stimuli, ou un stimulus, je crois, où ça y est, un stimulus auditif. Des stimuli, un stimulus, c'est bien ça? Donc, on a analysé l'information là, et ça montrait que les gens créatifs étaient plus sensibles aux sons qui les distrayait. Donc, l'étude dit que les gens qui ont ce problème-là de filtre avaient tendance à être plus créatifs, avaient aussi une capacité à focusser sur des stimuli qu'ils ne devaient pas, dans le fond, okay. stimuler. Et puis, c'est ça. Bref, c'est à peu près ce que ça dit. Attends un peu, j'essaie de lire. Dans les 100 participants, il y a un petit peu moins de 100 participants, ce qui n'est pas énormément. Un petit groupe, en fait, pour trouver des conclusions. On dit que la créativité est très subjective à mesurer. C'est difficile de mettre un chiffre oui. sur la créativité. C'est pas nécessairement quelque chose qu'un questionnaire peut vraiment capturer. Donc, il va falloir faire plus de tests que ça. Si donc vous vous stressez par rapport aux personnes qui mangent très fort autour de vous, peut-être qu'ils ont des écouteurs et que le son sort, vous devriez pas commencer à lui dire que vous êtes un génie. Mais bon, au moins, vous pouvez peut-être le penser de vous-même. Voilà. Ensuite, Boston Pizza aide à ses clients à trouver l'âme sœur avec son entremetteuse à pizza pour la Saint-Valentin, Tania. Oh ouais. Juste à temps pour cette fête des amoureux. Boston Pizza se donne pour mission d'aider ses clients à trouver l'âme sœur via son entremetteuse à pizza. Grâce à une infographie interactive, on peut découvrir la recette idéale pour le jour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, il y a une pizza en forme de cœur exclusive qui était offerte uniquement à la Saint-Valentin. Pour chaque pizza vendue, 1$ est versé à la fondation Boston Pizza, Futur Espoir, qui supporte des causes offrant des modèles et mentors aux jeunes tels que Jeunesse J'écoute et Grands Frères et Grandes Sœurs. Donc, allons-y, je vais essayer de te faire remplir ce petit questionnaire là. Okay? Okay. Donc, c'est l'entremetteuse à pizza, comment trouver l'âme sœur sur croûte. Ok. En amour, la relation fusionnelle du fromage et de la pizza est-elle votre idéal? Ouais. Oui, bon. Donc, divan, pyjama, vin, c'est pas mal votre idée d'une soirée idéale entre quatre yeux. Est-ce que c'est oui ou non? Oui? Ouais, OK. Avez-vous besoin d'un peu de piquant dans votre relation pour raviver la flamme? C'est ça la question? Ouais. Ouais. Oui. Vous n'avez pas trouvé de gardien et devez traîner votre marmaille? Oui ou non? Non, j'en ai pas. Absolument. Donc, tirer à pile ou face est votre façon de faire des compromis dans votre couple? Oui ou non? Non. Non? Donc, t'as besoin de la pirogue épicée. Ne laissez rien au hasard et allez-y pour celle qui se livre entièrement à vos papilles. Bravo, Tania, la pirogue épicée, j'en veux! Boum, voilà. Les autres résultats sont végétarienne, la québécoise Boston et la nordique. Voilà. Ça, j'aurais pu te dire ça juste en disant quelle sorte de personnalité j'étais. Parlant de pizza en cœur, c'était le moment de l'année, en fait. Pas mal. Parlant des régions, là, des endroits, il y a des pizzas en forme de cœur un petit peu partout. Donc, Papa John's aux États-Unis avait une pizza moyenne avec croûte mince, heart-shaped pizza et un brownie pour 15$, ou deux pizzas moyennes et une croûte mince, heart-shaped pour 18$. Pizza Hut avait sur sa page Facebook la disponibilité de leur heart-shaped pizza. Il y avait aussi Papa Murphy's avec leur Heart Baker, un jeu de mots avec Heartbreaker, tu comprends le gag, qui était une pizza pour emporter. Ensuite, du chocolat en tranche pour sandwich, enfin, on n'a pas encore parlé de ça dans cette chronique-ci, je crois. Ça fait quelques fois que je vois ça passer ouais. sur Internet et sérieusement, là, ça a l'air quand même très, très mou. Plastique. Exactement, exactement. Mais tu avais peut-être besoin de plus de détails. Hein? Peut-être. Les docteurs recommandent du chocolat dans votre diète depuis des années, on sait, mais les Japonais ont enfin réussi à mettre ça en tranche. C'est Bourbon, une compagnie japonaise qui a commencé à vendre des tranches de chocolat en emballage un peu comme du fromage Kraft. Chaque emballage contient 5 tranches de 2 mm d'épais, donc 0,08 pouces. La boutique en ligne de Bourbon offre des achats en vrac, dont des emballages de 12 paquets de 5 pour 3240 yens ou 27$ américains. Le chocolat Nama est utilisé pour faire des tranches. C'est du chocolat mou avec une saveur très intense, plus que du chocolat au lait. Donc voilà. Et aussi pour les Danois, les Paleg Chocolade, ce qui est un petit peu la même chose. OK. Voilà. Donc, allez voir l'article pour les photos et pour voir ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez faire des formes de fleurs, vous pouvez faire fondre ça sur des crêpes, des emporte-pièces pour faire des craquelins avec des trèfles et des pics, enrober des fraises ou des kiwis de ces tranches-là une fois fondues, faire des bonbons à ça. Il y a plein de choses à faire avec des chocolats en tranches. Ensuite, le retour de Crystal Pepsi est presque confirmé. En fait, non, est confirmé, mais on peut pas encore l'acheter. Voilà, c'est confirmé. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu es assez jeune pour avoir vu Crystal Pepsi? Je ne crois pas. Je pense que j'ai vu comme les dernières années. Ah, ça se peut. En fait, dernier mois, ça n'a pas été plusieurs années. En fait, c'était très, très court comme mode. Mais bref, Pepsi ramène cette icône des années 90, le Crystal Pepsi, qui est un breuvage sans caféine, transparent, à saveur de Pepsi normal. OK? Donc, c'est du Pepsi, mais transparent. Il n'y a pas de caféine. Donc, la recette est quand même différente un peu. Donc, un produit qui a été brièvement très populaire et ensuite a disparu l'année suivante. Pepsi a annoncé que le produit va revenir dans un concours pour faire la promotion de son application de récompense Pepsi Pass. Le plan est de donner 13 000 caisses de Pepsi aux utilisateurs de Pepsi Pass qui participent à un concours. quand même très bien. Mais les gens qui veulent acheter ce produit-là, c'est pas encore annoncé. Pepsi n'a pas encore dit si on va pouvoir racheter ça en commerce ou même sur Internet. Crystal Pepsi a été surprenamment populaire pendant une brève période. Le public a aimé ça, mais ça s'est passé assez rapidement. On veut de la liqueur brune qui goûte. La liqueur brune, c'est ça. On s'attend à du 7-Up du côté de Pepsi, si c'est transparent. Il y a une publicité pour le Super Bowl en 1993 qui est apparemment pas très vieillie et ça me donne vraiment moins l'envie de l'écouter. La publicité du lancement de Crystal Pepsi en 93, une minute. On est dans l'eau avec un bébé au fond d'une mer. Le futur... Attends, il y avait du texte, je vais lire le texte à la place. Donc maintenant, la nature invente des choses meilleures que la science. Présentement, le futur est un pas devant vous. Maintenant, les ordinateurs ne peuvent toujours pas rire. Hey! Maintenant, l'artificiel n'est pas quelque chose que l'on veut. Maintenant, seulement la vie sauvage a besoin d'agents de conservation. C'est conservation. Présentement, vous êtes très bien sans caféine. Là, il y a plein d'images de fleurs et de gens dans l'espace. Présentement, on a tous soif de quelque chose de différent. Maintenant, vous ne pouvez rien voir. Tout est transparent. Maintenant, nous allons rendre les choses invisibles. Nous vous présentons Crystal Pepsi. Et là, le 2 litres de Pepsi tombe dans un aquarium de, j'imagine, du Pepsi au cristal. Maintenant, est clairement différent. Maintenant, le changement est partout sur la planète. Maintenant, le sentier battu n'est pas si bien. Maintenant, est plus rafraîchissant que jamais. Maintenant, quelqu'un vient de goûter au futur. Il boit une bouteille de cristal Pepsi. Maintenant, vous n'avez jamais goûté quelque chose comme ça. Vous n'avez jamais vu un goût comme celui-là. Voilà, et plus la phrase. Vous n'avez jamais vu un goût comme celui-là. Bon, c'est dur à traduire des phrases. Quand même pas pire. Crystal Pepsi, j'aime ça. Allez voir la publicité sur assemblagerequis.com. Ça n'a pas super bien vieilli. Non, pas vraiment. Voilà. Mais je pense que ça va être assez pour une grosse pointe d'adresse pour aujourd'hui. Ah. Ça finit sur une bonne note. Je veux du Crystal Pepsi. Je pense pas y avoir goûté dans le temps. Je me rappelle pas d'y avoir goûté. Ça m'intrigue. Beaucoup. Je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui s'en fait livrer. OK, OK. Est-ce que l'article date trop et que peut-être que c'est sorti finalement? Crystal Pepsi, j'ai envie de faire un petit Google Pepsi. Peut-être qu'il s'est fait livrer ça sur eBay, une caisse des années... Attends un peu, OK. Il y a des rumeurs de la compagnie Pepsi qui vont ramener Crystal Pepsi à l'été 2016 sur leur page Facebook, c'est ce que ça dit. Non, il y a une page Facebook qui dit « Bring back Crystal Pepsi ». On peut s'inscrire à ça et ça dit « Été 2016 ». Ils viennent genre de se faire livrer une boîte de... C'est clairement sur eBay. Crystal Pepsi. Quelqu'un avait gardé ça dans son dans sa shed, d'après moi, parce que c'est pas un produit officiel, d'après moi. Bref, intriguant tout ça. Hein? On prend une pause. Au retour, on va se faire... on va voir. D'autres choses au retour. Oh ouais. Ça va être intéressant. Le deuxième produit? Ouais, le deuxième produit. C'est bon. Ouais, j'aime ça. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Vous êtes à C'est fou? 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Vous écoutez l'émission Assemblage requis en ce jeudi matin 18 février 2016. Elle est Daniel Baudin. Avec Mathieu Plante. J'allais dire, vous écoutez une grosse pointe d'adresse. Si seulement c'était une émission de 2 heures. Ah bah justement, on était dans une grosse pointe d'adresse et retournons-y à l'instant. Allons-y. On avait un deuxième produit à goûter dans une grosse pointe d'adresse et je t'avais dit qu'il y avait du salé et du sucré, mais qu'il y avait un seul produit salé. Tu m'intrigues, le salé. Donc là, je vais te poser une autre question pour essayer de faire un processus d'élimination dans mes produits, d'accord? OK. Tu as le choix entre quelque chose qui est un petit peu coco, un petit peu blanco, ou un petit peu vanillo. C'est quoi le dernier? Vanillo. Je vais aller avec Blanco. Blanco! On va goûter ensemble à une nouvelle barre de chocolat Lindt. Ouh! une de mes marques préférées. Ah, je le sais, moi aussi, je suis tellement excité. Donc, c'est le nouveau Lindt Excellence à la vanille chocolat blanc. Oh, miam. Oh, miam, en effet. Donc, chocolat blanc à la vanille de Madagascar. Pas n'importe quelle vanille, hein? Non. C'est pas mini vanille là-dedans. Éveillez vos sens avec une expérience sublime en matière de chocolat, Lindt Excellence. C'est le même texte sur tous leurs projets. Ouais, c'est ça. Vous découvrirez toute l'expertise et la passion de nos maîtres chocolatiers qui ont allié à le chocolat blanc le plus fin à la vanille de Madagascar pour créer un mélange raffiné de saveurs et une texture élégante. Il y a une garantie de qualité. Vous pouvez vous faire rembourser si vous n'aimez pas ça. OK. Parmi les ingrédients de sucre, évidemment, du beurre de cacao, substance laitière, bonjour. Lactose, encore bonjour. Lécithine de soya, arôme de vanille de Madagascar, extrait de vanille de Madagascar. Donc, les deux, arôme et extrait. Wow! Peut contenir des arachides et des noix. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est bon jusqu'en juin 2016. C'est marqué de conserver dans un endroit frais et sec, ce que j'ai fait. Donc, Lindt Excellence, vanille, chocolat blanc. Je t'envoie ça de ton côté, Tania. Attention, casse pas ça, là. C'est dangereux. C'est dur de viser de ce côté-là. Excuse-moi, je n'ai pas ouvert l'autre micro. C'est correct. En fait, fais donc un test, voir. Prends ton autre micro, rapproche de ta bouche. Comme ça. Puis essaie de. Juste pour... Non, ça va être trop, je pense. Ouais, je pense que. Entendez-vous bien? J'attends votre réponse. On ouvre ça. Hi, c'est dur à ouvrir. Comment est-ce que tu veux que je te l'ouvre? Mais il y a un coin, non? Oui, mais. Ça a cassé, ça a déchiré, là. Ouais. Le carton. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'on va devoir le manger au complet. Oh, hey boy! Ah, la vie, on sacrifie pour vous, mais là! C'est une très grosse tablette de chocolat. Oui, très, très grosse, mais très mince en même temps, je trouve. C'est vrai. Moi, c'est le petit papier qui me stresse tout le temps. Le papier d'aluminium ne se déchire tout le temps au mauvais endroit. Tout le temps. Ouais. Comment est-ce que tu veux arriver à le déchirer de toute façon? Il n'y a pas de façon de l'ouvrir avec classe, malheureusement. Ah, j'aime ça, rapproche le micro de la table, c'est fantastique. Tellement professionnel. Bon, tu es dessus. Ok. Oh! Ça a parti, ça a failli amener la tablette par terre. Presque. J'ai l'impression d'allumer dans une aréna. Ah, ça sent pas la vanille, par contre. Non. Ça sent pas très fort. Ok. J'ai hâte de voir. Ça sent bon. Ça sent le chocolat blanc. Je vais t'avouer que ça sent pas beaucoup. Ok. Oh, t'as essayé d'en casser un gros carré. J'ai voulu en casser un petit carré. T'as cassé quatre carrés en même temps. J'ai cassé quatre carrés. Ah, mais garde-toi-en deux. Mais non, j'en gardais seulement un. Okay. Tania, elle fait attention, je pense. Elle fait pas mal attention. Juste une chip. Juste un carré de chocolat. Merci. OK, donc on va sortir. Il est 9h15 le matin, là. Maudit, vous êtes prudes. Les gens sont tellement prudes. Oh, mangez les choses avant le matin. Hey, l'autre fois, j'ai vu un gars prendre un Coca-Cola à la cafétéria à 9h, fait que gars. Hein? Ouais, bon, puis comme ça. On sent. Déjà, j'ai bu une bière à 8h15, mais ça, ben, on en reparlera une autre fois. Hey, adaptez-vous. Okay. On le met tout au complet? Moi, oui. Je veux sentir avant. Moi, je pense que je vais le croquer. Ça sent en effet pas tant le chocolat blanc, même que je trouve que ça sent pas super bon. Ça sent un peu, ça sent le plastique. Ça sent l'emballage, exactement. Ça sent l'emballage dans lequel ça venait. Vrai. Okay. Moi, je le croque. Ok, moi, je le mets au complet. Moi, je vais fondre un peu. Oh, c'est très blanc. Très, très blanc. Ouais. C'est très, très chocolat blanc. C'est... Je distingue pas tant la vanille. Non. C'est très blanc. Très fondant. Mm-hmm. Très, très fondant. C'est bon. Tu sais, ça reste chocolat Lindt. Ouais. Mais... Côté vanille... Je trouve pas que ça goûte tant la vanille que ça. Moi non plus. Alors, en fait, ça me rappelle, pour ceux qui ont mangé déjà les petites bulles Lindt au chocolat blanc, je vois pas vraiment de différence entre ça et ça. Moi non plus. C'est bon. Même que pour du chocolat blanc, je dirais que c'est parmi les meilleurs chocolats blancs que j'ai goûté à date. Ouais. Facilement. Donc, je le conseillerais. Pour ceux qui ont envie, un petit kick de chocolat blanc, ça arrive pas souvent dans mon cas. Vraiment pas souvent. Moi mais une fois de temps en temps, pourquoi pas l'essayer. Ça change le mal de place, comme on dit. Donc, j'approuve Lindt. Le chocolat Lindt Excellence vanille et blanc, voilà. Toi, Tania, pouce en l'air, pouce en bas? Pouce en l'air. Par contre, tu vois, là, j'en ai mangé un morceau. Oui, c'est assez. Et je suis rassasiée, là. Moi aussi. C'est ça, le chocolat blanc, c'est tellement sucré à outrance que j'avoue que je mange rarement quelque chose au complet, une barre au complet ou un lapin blanc. S'ils ont des lapins à pâte blanc. Oh mon Dieu! C'est beaucoup trop, ça. Oui, non. J'en ai pour un mois, je pense, avec ça, mettons. Bref, miam! Miam, miam, miam! Moi, j'ai envie de continuer avec un autre bloc de nouvelles de fast-food. Allons-y. On dirait que depuis quelques temps, là, ça me tente de parler juste de ça. Je ferai une chronique de ça à tous les jours. Donc, juste le temps d'ouvrir mes liens, on va commencer en parlant d'un coupon qui goûte bon dans le premier article. C'est chez Krispy Kreme. Donc, si tout va bien, on devrait avoir ça dans quelques instants. C'est Krispy Kreme aux États-Unis qui offre... crée un code barre de glaçage pour avoir un coupon. Qu'est-ce qui sent ça? Tu sais, ce chocolat qui sent ça de loin de même. Je sais pas. On dirait que ça vient comme me revenir un peu. Bref, OK, Krispy Kreme. Crée un code barre avec du glaçage. OK. Tout le monde aime les bains gratuits, je pense tout que temps. Oui. Donc, le samedi 12 décembre dernier, chez Krispy Kreme aux États-Unis, il y avait 12 bains glacés chez Krispy Kreme avec le Day of the Dozen. Hashtag Day of the Dozen. Mm-hmm. Donc, la compagnie a créé The World's Tastiest Coupon, donc le coupon le plus délicieux au monde. C'est une vidéo où on montre des bains passés en dessous d'un... dans leur usine, dans le fond, en dessous d'un jet de glaçage. Et le glaçage est aussi un code barre. Ouais. Donc, quand on scanne le code barre dans la vidéo sur YouTube, le code barre de glaçage là, avec différentes épaisseurs de barres, vous connaissez les codes barres, on pouvait l'imprimer ou encore amener la vidéo sur son téléphone cellulaire. Et chez Krispy Kreme, on te donnait une douzaine de beignes gratuites. C'est cool, mais seulement quand t'achètes déjà une douzaine. Donc, c'est comme une deuxième douzaine gratuite, en fait. OK. Mais reste que l'idée est cool. Pour vrai, un code de glaçage, un code barre. Ouais, c'est vraiment cool. C'est fantastique. Et je pense que c'est mon haleine de chocolat blanc qui vient me remonter dans le nez par le micro en ping-pong. C'est bizarre. Sans toi, l'haleine, man. C'est... Non, merci. C'est un peu dégoûtant. Smell your haleine. You. Haleine things you do. Make me crazy about you. Personne n'a demandé ça, mais Oreo a encore un nouveau produit. Tu sais comment Oreo ne sont pas capables de juste rester avec les Oreos normaux? C'est vrai. Vous cueillez les Oreo double crème, les Oreo minces dont on a parlé il y a quelques semaines. Oreo à la menthe. Oui, très bon. Oreo à la menthe double crème, Oreo à la menthe mince, Oreo avec les biscuits blancs. Il y en a plein de Oreo. On a vu des Oreo au Red Velvet. On a goûté à des Oreo roses. Oui, en effet, absolument. Je me rappelle pas c'est quoi ça va, par contre. Je pense que c'est fraise. Je pense que oui. Mais bref, ils arrivent avec les Oreo churros. Tu connais les churros? Les churros. Churros, c'est une collation qui est quand même assez populaire. Ouais. Je me rappelle... Attends, je vais juste aller voir. C'est pas espagnol, ça? Je crois que c'est... Les churros. En tout cas, c'est sûr que c'est hispanophone. Je me rappelle pas de quel pays. On va aller voir. Patrie espagnole, voilà. C'est en Espagne. Ah, ben, Moses, je suis bon. Je me demandais si c'était mexicain ou espagnol. Ah oui, ça aurait bien pu. Mais non, c'est espagnol. Donc, bref, c'est ça, les Oreo churros. Hein? Une version qui ressemble un petit peu plus à ce que les churros ont l'air dans les dépanneurs ou dans le temps chez Costco. Il y avait des quelque chose comme des churros. Comme ah ouais, dessert. Ouais. Non, donc, c'est comme de la crème à l'intérieur d'un biscuit au chocolat Oreo un petit peu plus mou. Comment dire, mou, je dirais. Voilà. Mais sous forme de churros. C'est ça. Par contre, attends un peu, je regarde la fin de l'article. Ça dit que quelqu'un a vu ça dans l'allée des nourritures congelées dans les restaurants, les magasins Safeway. Donc, je crois que c'est à la pâte. Pas à la pâte, à la crème glacée. Et non pas à la crème. Ah oui, je pense que oui. Parce que ça dit cream filling sur l'emballage, mais cream comme dans ice cream, probablement. Ouais, parce que ça dit in the frozen food alley. Ouais, exactement. Ça dit dans le coin, prêt en quelques minutes. Donc, il faut les faire sortir du micro-ondes. Ah, voilà. En effet. La crème Oreo classique dans le milieu. On peut la réchauffer au micro-ondes, disent-ils. Donc, pourquoi pas les Oreo churros. Ensuite. OK, non, mais ça fait peur. un petit peu, oui, en effet. Donc, c'est de la crème glacée japonaise qui, une fois fondue, donne un visage épeurant. Dans le fond, le plat de crème glacée, le pot, OK, japonais, c'est de la compagnie Panap. Mm-hmm. C'est de la crème glacée aux fruits et au chocolat. Super cool. Mais les fruits sont placés d'une certaine façon pour faire un smiley face quand tu ouvres le pot. Donc, Tu ouvres le pot de crème glacée, c'est un smiley, deux yeux, une bouche, ben classique. Mais, une fois que tu manges et que la crème glacée fond, ça te donne un visage vraiment épeurant au fond. Hey, la première est vraiment épeurante. Et c'est en crème glacée, là. En tout cas, je crois que c'est en crème glacée. Ouais, c'est ouais. Pas du plastique, là. Non, je pense que c'est comme des fruits, là, de la crème glacée aux fruits. Ouais, c'est absolument dégueulasse. Il y a différentes sortes de faces, des visages un petit peu tristes, des visages un petit peu épeurants. Mais c'est ça, tu peux faire un peu la face que tu veux quand ça se défait. Parce que dans le fond, celle qu'on voit au-dessus de l'article, je crois que c'était un petit peu moulé à la cuillère. Ouais, hein, y a de fortes chances. Voilà, mais sinon, ça va te faire quand même un petit bonhomme épeurant, un bonhomme triste. Sinon, ça a vraiment comme fondu de façon... assez incroyable. Ouais, c'est pas la seule. Ensuite, une enquête menée aux États-Unis confirme l'efficacité des campagnes de publicité et des cadeaux faits aux enfants par les chaînes de restauration rapide. Le résultat n'est ni étonnant ni nouveau, mais ce lien scientifiquement établi entre les techniques marketing et la fréquentation de ces établissements conduit les auteurs de l'étude à des recommandations pour les parents. Donc, les stratégies marketing prenant pour cible les enfants fonctionnent très bien. C'est vraiment pas étonnant. Secteur proactif en la matière, nous dit Futura Science, les fast-food. Mais quel impact a le trio publicité, télévision et menu enfants sur les jeunes, perméables au son, aux images et adeptes des nouveaux gadgets? Les jouets glissaient dans les menus enfants et les publicités diffusées à la télé incitent les parents à amener des petits à manger au fast-food. Pour évaluer l'impact de ce phénomène, l'équipe du professeur Jennifer A. Emond du Geisel School of Medicine à Dartmouth a suivi 100 enfants âgés de 3 à 7 ans et l'un de leurs parents. Chacun des adultes a répondu à un questionnaire portant sur les habitudes du petit, donc le nombre d'heures passées devant la télé, la fréquence des repas pris dans les fast-foods, la tendance à collectionner les jeux gagnés dans les menus. Les scientifiques ont aussi relevé l'exposition des enfants aux publicités diffusées par deux chaînes de restauration rapide, lesquelles étaient relayées sur 4 chaînes de télé pour enfants. Résultat, 37% des parents interrogés ont rapporté une fréquence plus élevée à manger au fast-food lorsque les enfants étaient fréquemment exposés aux pubs. 3 jeunes sur 10 collectionnaient les jeux. Parmi eux, une large majorité, 83%, s'étaient rendus au moins une fois dans des fast-foods. Oui. Évidemment, la plupart possédaient une télévision dans leur chambre, passaient plusieurs heures par jour devant l'écran, principalement sur l'une des 4 chaînes proposant ces publicités. L'impact de la restauration rapide sur l'équilibre nutritionnel des enfants est tel que les auteurs recommandent aux parents de limiter à la fois les fast-foods et l'exposition. En 2013, une étude menée aux États-Unis selon une méthode similaire avait conduit à la même conclusion sur l'efficacité des publicités télé pour la restauration rapide. Je pense que c'est vraiment rien de... on n'apprend rien. Est-ce que toi, t'étais ce genre-là à conserver les jouets qu'ils te donnaient? Ouais. Oh, et ouais? J'en ai encore, en fait, de ces périodes-là. Pour vrai? Dans le temps qu'il y avait des jouets de Mario Bros, j'en ai encore quelques-uns chez moi. Ah! Ouais. Non, moi, je sais pas du genre à faire ça. Non, hein? Non. T'es plus sage, toi. Ben, je les aimais beaucoup, mais c'est qu'ils me donnaient tout le temps des poupées. Ouais, ben, tu sais. Puis moi, je voulais tout le temps les jouets pour petits gars. Ben, et ça me surprend que tu dises ça. Ça me surprend vraiment parce que dans une chronique précédente, dans l'émission d'aujourd'hui, t'as dit ah, oh, mais tu sais, les petits gars avec les blocs Lego, gna gna gna. Puis là, moi, je t'ai corrigé en disant les petits enfants avec les Lego. Ah, oh, ouais, mais. Nan, nan. Ouais, mais je jouais pas tellement aux Lego. Moi, je voulais les Hot Wheels qui donnaient dans les boîtes. Pourquoi est-ce que les Hot Wheels seraient juste pour les gars? Puis pourquoi est-ce que les Lego seraient juste pour les gars? Ben, c'est ça que je dis, là. C'est pas juste pour les gars. C'est ça. Mais faut que tu te le dises à toi-même. Ok. C'est ça. Ah, ouais, mais je suis rendu à 24 ans. Non. Ouais, ben non, mais là. Les Hot Wheels, c'est cool. C'est très cool. C'est bref. Spotted. Spotted? Spotted pour des chips. Tu connais les Pop Chips? Oui, je connais les Pop Chips. Est-ce que tu savais que, et c'est pas encore arrivé ici, je ne crois pas, mais les Pop Chips avec des ridges, donc comme des ruffles. Oh, pas vrai? Des vagues dessus. Ça existe dorénavant. Donc apparemment, les Pop Chips, potato ridges, il y a crème sure et cheddar, okay. Salé et barbecue piquant aux États-Unis en ce moment. Donc on espère avoir ça un jour ici. Même chose pour quelque chose que j'ai jamais vu moi au Québec, que j'aimerais beaucoup voir, c'est les Kellogg's S'mores Cereal, qui sont de retour par demande générale. C'est des céréales au grammes croustillants, okay. Enveloppées d'un emballage de guimauve, mm-hmm. Hein? Un enrobage chocolaté et ensuite des guimauves. Oh, donc, t'as guimauve, chocolat et biscuits grammes, ça fait des s'mores, ça s'appelle les Kellogg's S'mores, S-M-O-R-Z. Mais je sais pas si c'est vraiment si bon, parce que tu sais, ce qui rend un s'mores vraiment bon, c'est que c'est chaud. Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça parce qu'on a déjà goûté dans une précédente chronique, t'étais pas là à l'époque avec Stéphanie Parazin, on avait goûté à des s'mores de Russell Stover's, il était froid et on a trouvé que c'était un des produits les plus délicieux qu'on avait goûté jusqu'à ce moment-là. Ah oh, ouais! J'ai adoré ce produit-là. Parce que moi j'adore les s'mores lorsqu'ils sont chauds, lorsqu'ils sont faits sur un feu de camp. Traditionnel, Tantan! Tellement. T'es tellement traditionnel. Bref, un produit des années 2000, les s'mores qui sont maintenant de retour. Voilà, c'est tout pour cette chronique d'une grosse pointe en dresse. Mm-hmm. On doit terminer là-dessus. Caroline, mais c'était le fun de faire ça avec toi. Ben oui. Comme toujours. Hey Mathieu, est-ce qu'on a le temps de parler de 30 secondes de ce qui s'est passé hier soir? Allons-y. OK, allons-y de ce côté-là. Vous savez, la plupart du temps, on revient sur les matchs des Patriotes de l'UQTR. Et du côté des Patriotes au hockey, ils étaient du côté de Sudbury hier pour le premier match de la série contre Sudbury. Et ils ont remporté le match 4-1. Donc, le deuxième match, là où tout devrait se décider et peut-être même terminer pour Sudbury, en fait, c'est samedi ici à Trois-Rivières dès 16h au Colisée. Donc, si jamais vous voulez y aller. Et je vais aussi poster sur la page Facebook d'Assemblage Reiki un article qui a été fait du Journal de Montréal où on parle des Patriotes de l'UQTR comme étant une des meilleures équipes du sport interuniversitaire canadien. Et présentement, nous sommes toujours au premier rang. Tout va se jouer pendant les séries. On est dedans, ça commence. Donc, soyez là samedi, 16h du côté du Colisée. Génial, merci Tania. Ça fait plaisir. T'es tellement dadon. Hey, yeah. Tellement dadon. Bref, nous voilà rendus à la fin d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie pas de chroniqueurs aujourd'hui, donc on remercie les auditeurs. Toi et moi. Toi et moi, Tania Baudin. Mathieu Plante. Lundi à l'émission, on va avoir nos chroniqueurs habituels aux deux semaines. Donc, il y aura à 8h30 Samuel Girard. Lui, il est là à chaque semaine quand même. Et à 9h, ça va être Evelyne Dulac du Club plein air UQTR. C'est lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui à 11h, le Dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite, à 13h, l'émission de Sébastien Vigartin et Lucas Hubert. La sortie de secours est à votre gauche, où il parle d'actualité.